La nuit prochaine, nuages sur l'ouest, ciel étoilé dans l'est du pays, 9 à 17 degrés pour les minima. Demain, le temps sec s'affirme, maxima 19 à 24 degrés. Puis de mercredi à vendredi, on va reparler de conditions estivales avec du soleil et de la chaleur. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. 650 postes en péril chez AXA, annonce choc faite ce matin. Le groupe veut restructurer et se concentrer sur son activité d'assurance. Que vont devenir les travailleurs de Caterpillar? Faut-il mener des actions pour faire pression sur la direction? Les syndicats ont donné leur mot d'ordre au personnel. La première directive, c'est de venir tous les jours à l'entreprise. Moi, je ne parle pas de travail en production, je parle de venir se présenter sur le site. Les syndicats sont reçus en ce moment par le gouvernement wallon. Caterpillar vendredi, AXA aujourd'hui. Dans les deux cas, on entend parler souvent de prépension. Qui pourra en bénéficier et comment? Marie-Paul Jeunhomme nous l'expliquera. Le plus grand primate du monde va-t-il disparaître? Le gorille de l'Est est désormais en danger critique d'extinction. Les hommes savent pourquoi depuis 50 ans, c'était un 5 septembre 1966, un fût de Jupiler était mis en Perse, à Jupi, où la bière est brassée. On a évidemment beaucoup de souvenirs des 50 dernières années. Le journal sur Vivacité avec Lionel Denebourg. Bonsoir Lionel. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Nouveau coup dur donc pour l'emploi cette fois, c'est AXA qui s'apprête à licencier. À 650 postes supprimés dans les deux ans, annonce faite ce matin lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire. 650, cela représente 15% du personnel d'AXA, le groupe bancaire et d'assurance. Les travailleurs devront aussi faire des efforts au niveau de la masse salariale. Sébastien Joris, pourquoi cette restructuration? Si l'assureur restructure, ce n'est pas parce qu'il va mal aujourd'hui. Mais selon le patron, Jeff Vanine, un traitement préventif est nécessaire pour la suite. AXA est solide aujourd'hui et notre plan stratégique 2020 a comme but afin qu'on reste solide dans le futur. C'est un plan qui est porté par tout le comité de direction. Le plan stratégique de la direction repose sur trois axes. D'abord un recentrage, autrement dit certaines activités seront supprimées. Ensuite, des investissements dans la numérisation. Et enfin, une organisation interne simplifiée. 650 postes supprimés donc dans ce cadre, dans ce plan stratégique. Sébastien, sait-on déjà s'il s'agira de licenciements secs? Alors, quand on pose cette question au patron, il répond qu'un maximum sera fait pour limiter ces licenciements. Prépension, reconversion, réduction du temps de travail, voilà pour les options évoquées. Mais les syndicats ne sont pas rassurés. Jean-Michel Capoun, secrétaire du CEDCA. La direction fait tout pour essayer d'apaiser, mais enfin, l'inquiétude est là. Quand on parle de 650 postes de travail, que l'on sait que dans cette entreprise, nous avons déjà mis en œuvre différents plans de départ. Nous, en tout cas, au stade actuel, nous n'avons pas de vue sur ce qui est possible au niveau de départ, qu'on pourrait dire encadré ou naturel, par rapport à des licenciements, qu'on dirait des licenciements secs. Tous les services d'AXA pourraient être touchés. Des conseils d'entreprise auront lieu mercredi, jeudi et vendredi avec des informations plus détaillées. Les explications de Sébastien Joris. L'autre dossier chaud, c'est évidemment Caterpillar. Les syndicats sont reçus en ce moment par le gouvernement wallon. Oui, un entretien qui a commencé il y a une heure maintenant. Autour de la table, les représentants syndicaux, Paul Magnette, le ministre-président wallon et ses vice-présidents. Alors qu'attendre de cette rencontre? Écoutez Maxime Prévost, le vice-ministre wallon. Tout le monde attend que nous sortions un lapin d'un chapeau en 48 heures pour résoudre une crise économique importante. On n'en a pas de solution miracle. Ce qu'il faut par contre, c'est se mobiliser à tous les étages du gouvernement wallon et de l'État fédéral pour consolider l'emploi et surtout envisager une reconversion professionnelle pour toutes ces familles directement impactées ou les milliers d'autres en sous-traitance. Vous pensez qu'il est vraiment possible de faire plier ou du moins reculer Caterpillar ? Ne nous voilons pas la face, il sera compliqué d'obtenir du board américain qu'il renonce à ses plans. Par contre, nous ne devons certainement pas laisser tomber les bras et nous mobiliser pour sauver ce qui peut encore l'être et garantir une reconversion économique aussi rapide que possible, non seulement au site, mais surtout aux personnes qui sont les premières victimes. Le ministre-président parlait de repreneurs éventuels, de l'activité ou du site, où il y avait vraiment des pistes concrètes. À ce stade, je n'en ai pas connaissance, mais l'intérêt justement de toutes ces réunions, celles qui se font officiellement et celles qui se font officieusement, mouvements en coulisses, c'est justement de pouvoir maximaliser les différents scénarios alternatifs. Le vice-président wallon Maxime Prévost au micro de Rudy Hermans. Caterpillar, l'usine fabrique des engins de chantier et elle est censée continuer à le faire dans les prochains mois, le temps de terminer la procédure. Ce matin, les syndicats ont rencontré le personnel, un millier d'ouvriers présents avec beaucoup de questions. Que faut-il retenir de cette rencontre? Écoutez, Ivan Delpercio, le président de la délégation syndicale. Bah écoutez, je pense que ça a été assez important de voir l'ensemble des travailleurs. Je pense qu'ils ont compris qu'on ne va pas agir tout azimut. Première directive, c'est de venir tous les jours à l'entreprise. Moi, je ne parle pas de travail en production. Je parle de venir se présenter sur le site. J'ai senti quand même des travailleurs révoltés, en colère, mais dignes. C'est vrai qu'on est dignes, mais pas à n'importe quel prix. Mais comme on est dans une situation inédite, avec une mise sous tutelle de la direction américaine sur le site de Gosselies, il va falloir quand même qu'on évite de tomber dans cette désorganisation. C'est un combat qui va durer de longue haleine. Le président de la délégation syndicale au micro de Grégory Fob. On l'entend, AXA veut éviter les licenciements secs. Chez Caterpillar, pas mal d'ouvriers ont la cinquantaine et risquent de rester sur le carreau, de ne pas retrouver de job. Et dans ces deux cas, une piste est évoquée, c'est la prépension. Marie-Paul Jeunhomme, une précision d'abord, le terme prépension, en principe, il n'existe plus. Effectivement, Lionel, on parle désormais de régime de chômage avec complément d'entreprise, ce qui correspond plus à la réalité. Et les conditions, eh bien, elles ont été durcies ces quatre dernières années. Du coup, dans le régime général, il faut désormais 62 ans pour pouvoir être prépensionné. Mais il y a des dérogations possibles, notamment pour les entreprises en difficulté ou en restructuration. Et là, l'âge minimal de départ est actuellement de 56 ans. 55 ans, si une convention collective le prévoit. On sera à 57 ans l'année prochaine, un an de plus chaque année pour arriver à 60 ans en 2020. On est loin, vous le voyez, des départs négociés à 50 ou 52 ans, il y a encore quelques années à peine. Mais pour les entreprises dont on parle, donc AXA et Caterpillar, les prépensions, elles ne sont pas automatiques. Non, bien sûr Lionel, les entreprises devront s'expliquer sur les données économiques, montrer pourquoi elles sont en difficulté ou en restructuration, et c'est une commission du Service public fédéral emploi qui donnera alors son feu vert, puis le ministre de l'Emploi qui tranchera. Et puis il y aura bien sûr aussi les négociations avec les syndicats sur un plan social. Les organisations syndicales vont peser pour obtenir plus que le minimum légal prévu pour les indemnités à payer par l'entreprise en complément de l'allocation de chômage. Et dans tous les cas, Marie-Paul, ça fait quand même une sacrée différence dans le portefeuille du travailleur. Oui, on parle généralement d'une perte d'environ 30% de revenus et même plus si les salaires étaient importants. Ajoutez à tout cela aussi que désormais, depuis cette année, tous ces travailleurs prépensionnés doivent rester actifs sur le marché de l'emploi. En clair, rechercher activement de l'emploi sous peine de sanction de l'ONEM. Les explications de Marie-Paul, Jeunhomme, autre entreprise en difficulté dans le Brabant wallon, CP Bourg, installé à Otigny, 88 postes, soit quasiment un tiers des emplois seraient menacés. La procédure Renault a été lancée. CP Bourg est spécialisé dans la fabrication de machines de finition destinées au secteur de l'impression des agrafeuses et des rogneuses notamment. De plus en plus de jeunes ont des jobs d'étudiants pendant leur congé. D'après les nouveaux chiffres de l'ONSS, en 2015, près de 480 000 étudiants ont travaillé au moins un jour. En moyenne, chaque jobiste a travaillé 23 jours et gagné 1 700 euros. Les parents d'un enfant autiste attaquent l'État belge en justice. Ce matin, ils ont introduit une action en urgence devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Leur fils de 14 ans, en plus de son autisme, souffre de sévères troubles du comportement qui le rendent violent. La vie en milieu familial est devenue impossible, mais Peter ne bénéficie toujours pas d'une place dans une institution adaptée. Jérôme Durand a rencontré ses parents devant le tribunal. Chacun a droit à la dignité. Est-ce que Peter avait de la dignité ? À la sortie de l'audience à huis clos, les parents de Peter racontent, et ce sont leurs mots, le cauchemar qu'ils vivent depuis 2 ans. Pour Peter, puberté a rimé avec danger pour lui-même et pour ses proches, dont son père Patrick Gourlet. Parce que même dormir seul avec lui, je n'ose plus. Il se réveille la nuit, il commence à casser des meubles. C'est dangereux parce que c'est plus un enfant, hein. Ça devient un adolescent d'1m70, de 75 kilos, qui prend beaucoup de médicaments. Et dans les effets secondaires, il y a des problèmes d'hallucinations, des problèmes de spasmes. Faute de place dans les rares institutions spécialisées, Peter est ballotté d'un service d'urgence psychiatrique à l'autre. Sans pointer du doigt ces services qui font leur possible, sa mère Françoise Dupérouse s'inquiète pour son enfant. Voilà, en attendant, c'est un enfant qui, donc, au lieu de progresser, régresse et donc est de plus en plus handicapé. Donc voilà, nous considérons qu'il y a une non-assistance à personne en danger, qu'il y a un non-respect des droits de l'homme, des droits de l'enfance, des droits de la personne malade, handicapée. C'est à l'État belge à prendre ses responsabilités maintenant. L'État fédéral, dont l'avocat a demandé une dizaine de jours pour tenter de trouver une solution de placement qui pourrait intervenir fin octobre. En Fédération Wallonie-Bruxelles, on estime à 11 000 le nombre d'enfants autistes pour 1300 places adaptées à leurs besoins. Reportage de Jérôme Durand, actualité judiciaire encore, avec le procès de Khalid Zerkani qui est reporté à la fin du mois de novembre. L'homme est considéré comme l'un des recruteurs les plus influents pour convaincre des jeunes à partir combattre en Syrie. Dans un autre dossier, Khalid Zerkani a déjà été condamné à 15 ans de prison. L'explorateur Alain Hubert pourra-t-il bientôt retourner en Antarctique dans la station Princesse Elisabeth? Ces derniers mois, le gouvernement fédéral l'avait mis hors jeu en reprenant la main sur la station polaire. Mais aujourd'hui, l'auditeur du Conseil d'État demande de suspendre l'arrêté royal qui évince Alain Hubert. On parle donc bien ici d'un avis. Le Conseil d'État doit encore se prononcer dans les prochains jours. Parlons environnement à présent. La liste des espèces en voie de disparition s'allonge. Oui, l'Union internationale pour la conservation de la nature a mis à jour sa liste. Il y a plus de 20 000 espèces menacées d'extinction dans le monde. Simon Gérard, on ne va pas tout détailler forcément, mais quels animaux sont concernés? Il y a un peu de tout, hein. Mammifères, poissons, insectes, aucune famille n'est épargnée. Mais particulièrement inquiétant, le koala dont la population diminue à vitesse grand V, au point que l'Australie a commandé une enquête parlementaire. Et puis il y a le plus grand primate du monde, le gorille de l'Est, qui vit notamment au Congo et au Rwanda. Ce gorille est désormais dans la catégorie en danger critique d'extinction. En clair, il est tout simplement à un petit pas de la disparition. La faute à quoi et la faute à qui, Simon? La faute à nous. Nous, les humains, nous sommes trop nombreux, on est trop gourmands en nourriture, mais trop gourmands aussi en territoire. Résultat, l'habitat naturel des animaux sauvages se réduit de plus en plus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? Est-ce que c'est possible d'agir à notre échelle? Oui, c'est possible. Prenons l'exemple de l'orang-outan. Ce grand singe est très menacé, lui aussi. On coupe sa forêt pour cultiver de l'huile de palme. Mais pour préserver l'orang-outan, selon Tim Bouts, directeur zoologique à Peridaiza, il suffit de mieux consommer. Si on va à un magasin, si on regarde une fois sur les ingrédients et si on regarde qu'il y a de l'huile de palme dedans, n'achetez pas. Comme ça, peut-être on peut faire quelque chose ici en Belgique. Car oui, changer les choses, c'est possible. Le panda, par exemple, va un petit peu mieux grâce aux Chinois qui ont mis en place un système de reproduction et qui surtout ont replanté des forêts de bambou. Les explications de Simon Gérard. Merci Simon. On parle de sport tout de suite. Dernier entraînement aujourd'hui pour les Diables Rouges avant leur match contre Chypre. Oui, le tout premier match des éliminatoires pour cette Coupe du Monde 2018. Ce sera en Russie. Chypre, sur le papier, ça paraît plutôt faible et pourtant, rappelez-vous cette courte victoire l'an dernier, 0-1 dans les toutes dernières minutes. Pour le défenseur Thomas Meunier, pas question de calculer, demain il faudra tout donner dès le début du match. Chypre c'est quand même un autre adversaire, maintenant ça reste toujours des matchs compliqués à aller jouer là-bas. On n'a rien à perdre, il faut qu'on joue le tout pour le tout. Premier match de qualification, il faut qu'on aborde ces qualifications dans le meilleur état d'esprit possible. Donc commencer avec un 3-3 pour moi, c'est obligatoire. Thomas Meunier au micro de Jérôme Elguer. Ce Chypre-Belgique, ce sera donc demain à 20h45. Et justement devant la télé, demain soir, les supporters des Diables en tiendront sûrement une en main. Une jupilaire, évidemment. En principe, on ne fait pas de pub. Mais aujourd'hui, c'est particulier. Le 5 septembre, cela fait 50 ans que la jupilaire existe. Un demi-siècle qu'elle a été créée à Jupy, près de Liège. Désormais, la jupilaire appartient, vous le savez, au géant mondial, à Beinbev, mais c'est toujours à Jupy qu'elle est brassée. Un enfant du pays. Reportage d'Anne Poncelet. Ceci est un verre jupilaire d'il y a 50 ans. Jupilaire sec, parce que la bière faisait 5 degrés à l'époque. À l'époque, c'était en 1966, elle s'appelait d'ailleurs Pied de Bœuf. Les abords de la brasserie ont bien changé, mais il y a toujours un café juste en face. Fabien est derrière le comptoir. Mon grand-père, à l'époque, conduisait les charrettes et livrait les fûts en charrette avec les chevaux. Et alors après, ma mère a travaillé là pendant 40 ans, ma tante, mon beau-père, tout le monde a travaillé là pendant des années. On a vécu avec Jupiler. Michel Faouet est lui aussi tombé dans le brassin quand il était petit. Il est président de la confrérie Le Bon Métier des Brasseurs et habite Juppy depuis toujours. Il y avait pratiquement dans chaque famille de Juppy un membre qui était membre du personnel de la brasserie. Il avait donc une profonde interpénétration entre la population jupiloise et la brasserie. Et mon papa, en ce qui le concerne, aimait beaucoup aller travailler au garage. J'ai appris plus tard que l'intérêt d'être au garage, c'est de pouvoir disposer d'un stock de bière qui était dans les camions qu'il devait réparer. Et il ne se privait pas de l'apprécier et de la goûter. Jupiler fait aujourd'hui partie de ce que AB InBev appelle ses champions locaux. Des bières à haute réputation, bien implantées dans leur zone, mais moins exportées que d'autres marques. Jupiler serait la bière préférée d'un Belge sur trois. Un reportage d'Anne Poncelet et d'Éric Destiné. Alors que c'est votre top 3 aussi, Cyril, c'est votre préféré ? Ah non, pas vraiment. Difficile. Mais difficile, non. Monsieur préfère les bières fortes, comme j'entends. Alors, c'est pas forcément forte, mais disons que je suis plutôt trappiste, vous voyez. Ah, on est pareil alors. Ah, donnez un nom. Une trappiste du sud-sud, on va dire. Donnez le nom. Donnez le nom. Bah, l'Orval, évidemment. Ah, ça. Mon frigo en est rempli. Une gorgée d'Orval et on est en vacances. Exactement. Merci Lionel, on sait quoi vous offrir en tout cas. On vous retrouve tout à l'heure à 17h30. On part sur les routes tout de suite, c'est le RTBF Mobile Info avec Anne-Michel Vlouberg. Bonsoir. Bonsoir Cyril. Y a-t-il des soucis ? Eh bien oui, on a pas mal de monde ce soir. Tout d'abord, on a un accident impliquant deux camions sur le 411 Luxembourg-Bruxelles à hauteur du viaduc de Baie. Bande droite encombrée, circulation fortement ralentie sur 2 km en direction de Bruxelles. Bruxelles justement, où les temps de parcours augmentent de quelque peu sur le ring. Vous pouvez rajouter 20 minutes supplémentaires en circulation extérieure Zaventem Grand Bigard, 15 minutes supplémentaires en circulation intérieure. Zaventem Carrefour Léonard à Bruxelles, ralentissement habituel dans les tunnels de la petite ceinture. Et puis, différentes zones de chantier vous ralentissent à cette heure-ci. C'est le cas sur le 40 d'Aix-la-Chapelle, Bruxelles, à hauteur de Cherat. Alors, vers Bruxelles, 3 km de file depuis Barchon, vous perdez une dizaine de minutes. Et dans l'autre sens, vers Aix-la-Chapelle, entre Lons-Saint-Cherat, vous perdez 3 quarts d'heure. On a toujours ce véhicule en panne sur la 602 Lons-Saint-Chéné, à hauteur des Guimains. Bande droite neutralisée, 5 km de file, vous perdez une dizaine de minutes en direction de Chéné. Une zone de travaux vous retient encore sur le 400 Arlon-Namur à hauteur d'Auchan. Vous perdez là près de 25 minutes en direction de Namur et puis des embarras suite à des travaux sur le petit ring de Charleroi qui est fortement encombré avec des répercussions sur la Nationale 90 venant de Mons. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. De 17h à 19h sur Vivacité, 5 à 7 avec Cyril. Je suis perturbé parce que je sais pas s'il y a moyen qu'on remette la pub de juste avant. J'ai l'impression qu'il y a quand même un gars qui a bu une Jupiler juste avant de dire le direct. Il ne parle pas, il le rote à la fin. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Vivacité. J'espère que vous allez bien jusqu'à 19h. C'est le 5 à 7. Avec ce soir, beaucoup de choses à faire, des cadeaux à vous offrir. Je vous en reparle dans quelques secondes. Des invités à recevoir, je vous en reparle aussi. Et puis on va s'intéresser aux SMS. Est-ce que vous envoyez encore des SMS? Si je vous pose la question, parce qu'on le dit souvent le soir, envoyez vos SMS au 3063. Est-ce que vous le faites encore? Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de SMS. Le SMS est carrément mort quasiment et c'est le data, donc le fait d'utiliser WhatsApp, Facebook Messenger, tout ça qui prend le relais et qui marche de mieux en mieux. Alors on verra pourquoi et comment ça fonctionne exactement dans un instant. Est-ce que demain vous pourrez encore envoyer des SMS ou pas? On s'y intéresse dans quelques minutes. On partira en Suède aussi tout à l'heure, il y a le Swim Run. Alors si comme moi vous ne savez pas ce qu'est le Swim Run, restez là, on en reparle avec un expert qui est sur place, donc Martin de la rédac des sports, qui est allé se balader en Suède et peut-être pas que pour le sport. On verra ça avec lui tout à l'heure. À Montpellier, en France, dans le sud de la France, il y a une famille qui était complètement exaspérée par les excès de vitesse devant la maison. Et ils ont trouvé une solution dans le sud de la France, c'est de placer un faux radar. Une boîte a été déguisée en radar.

Merci, vous êtes là, je vous remercie, vous avez fait le bon choix. C'est le 5 à 7 jusqu'à 19h et je ne sais pas ce que vous avez fait pendant les vacances, si quand vous étiez parti, vous aviez donné des nouvelles à vos proches par SMS ou plutôt par des applications type WhatsApp. En tout cas, on apprend aujourd'hui dans l'ADH qu'il y a eu une grosse chute de l'utilisation des SMS, moins 34% cet été par rapport à avant. On va en parler avec Alexis Carantonis qui a réalisé ce dossier pour l'ADH. Bonsoir Alexis. Bonsoir Cyril. Bienvenue dans le 5 à 7 sur Vivacité. Alors par téléphone, le bon vieux téléphone encore. Alors qu'on pourrait utiliser du data, on pourrait utiliser du Skype, des choses comme ça. Alexis, est-ce que vous envoyez encore des SMS ? Alors j'avoue que j'en envoie encore, même si j'utilise plus de data aujourd'hui que de SMS. Et justement, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a évolué ces derniers mois par rapport à ces dernières années ? Parce qu'il y a un moment, on se souvient même qu'au nouvel an, les SMS, ça saturait complètement. C'est moins le cas maintenant. Alors c'est nettement moins le cas maintenant. En soi, si vous voulez, la chute du SMS, elle n'est pas totalement neuve. Ce qui est vraiment neuf, c'est la vitesse à laquelle on en envoie de moins en moins. Donc ce mode de communication-là n'est clairement plus le premier. En tout cas, c'est ce qui a été observé lors des festivals de cet été. Il faut savoir que les festivals, c'est un endroit très important pour les opérateurs, parce qu'étant donné qu'il y a une communauté plutôt jeune et plutôt connectée qui s'y situe, ça leur permet d'évaluer un petit peu dans quel sens le marché évolue. Et cette année, il a clairement évolué vers un minimum de SMS et un maximum de data. Donc pour vous donner un tout petit ordre d'idée, on a envoyé cette année 3 fois moins de SMS à Tomorrowland que l'an dernier. Par contre, on a utilisé 5 fois plus de données, donc de data, de gigas, dans le même temps. Donc ça montre très clairement le basculement de la tendance. Et est-ce qu'on sait analyser le trafic réellement ? Donc on se souvient de dire que le data, c'est des échanges de messages, ou le data, ça peut être aussi les selfies qu'on fait par dizaines quand on est sur un festival ? Alors il y a les deux, évidemment les opérateurs ont la capacité comme ça de suivre le trafic, de voir d'où il part, sans pour autant rentrer de manière intrusive dans nos vies, mais simplement de canaliser le trafic par application. C'est notamment ce qui leur permet, vous savez, ils ont offert le data pour jouer à Pokémon Go. Donc ça veut dire qu'ils sont capables de savoir les données qui sortent de votre téléphone lorsque vous jouez à Pokémon Go. C'est un peu le même principe ici. Ils sont même capables, si vous voulez, de localiser l'endroit où vous êtes. Et c'est très intéressant dans le cas des festivals, parce que même lorsqu'on se trouve dans la fosse et qu'on veut rejoindre des amis ou qu'on est perdu, etc. Même là, le bon vieux SMS n'est plus le moyen de communication le plus privilégié. Même dans la fosse, même dans la foule, c'est la 4G, c'est WhatsApp, Facebook, Messenger, etc. qui passe devant. Est-ce que les opérateurs perdent de l'argent à cause de ça ? Est-ce que c'est pas un manque à gagner de plus envoyer autant de SMS ? Alors c'est l'éternel débat. Entre vous et moi, ils perdent beaucoup plus d'argent en étant obligés de supprimer le roaming qu'avec les SMS qu'on n'envoie plus. Parce que c'est vrai qu'ils nous vendent de plus en plus de data finalement, les opérateurs. Alors on y gagne parce que les abonnements, naturellement, vu l'évolution du marché, nous permettent d'utiliser beaucoup plus de gigas par mois. Ça a beaucoup grossi ces derniers mois. Mais ils nous vendent aussi pas mal finalement lorsqu'on dépasse de plus en plus les quotas alloués lors de nos abonnements. Ils nous vendent des packs de data supplémentaires vu qu'on est de plus en plus friands. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 2 ans, on consommait à peu près 400 mégas de data par mois en moyenne. On est rendu à 1,6 gigas, donc c'est presque 2 gigas, c'est énorme pour celui qui a en tout cas un smartphone. Et voilà, et je pense que ce n'est qu'un début. Ce qui est hallucinant, alors je faisais le test justement hier soir, pur hasard. Mon opérateur me permet de voir ma consommation en temps réel, comme la plupart aujourd'hui. Je voyais que j'avais envoyé sur le mois dernier 80 SMS, mais consommé 7 gigas de data. C'est vrai que la tendance a complètement changé. Mais merci pour toutes vos explications. Alexis, et puis vous repassez quand vous voulez dans l'émission, par Skype, par téléphone, par SMS, voilà, on se contacte, on a assez de moyens de se contacter maintenant, Alexis. Avec plaisir, quand vous voulez. Bonne soirée, à bientôt. Pour la suite de 5 à 7, il y a du très très bon qui arrive. On aura tout à l'heure les nouveaux coachs de The Voice qui seront là. Big Flo et Oli seront les invités de cette émission. On va partir en Suède aussi. Alors rien à voir avec Big Flo et Oli. On va s'intéresser au swim run. Qu'est-ce que le swim run ? La réponse après les titres de 17h30. Le garage Le Sage de Watermal Boisfort est heureux de vous annoncer l'arrivée de la nouvelle Baleno, la citadine de chez Suzuki, qui vous fera voir du pays grâce à son nouveau moteur turbo de 1000 cm3. La nouvelle Baleno, à découvrir au garage Le Sage lors des journées portes ouvertes le week-end des 9, 10 et 11 septembre. Garage Suzuki Le Sage, chaussée de la Hulpe 225 à Watermal Boisfort. Bonjour. Bonjour monsieur. Je viens pour la Polo. Oui, alors, pour 129€ par mois, vous avez une Polo. Ok, je la prends. Et donc je vous parle pas de son front assist et son système de freinage d'urgence en ville, de sa radio à écran tactile ou de son verrouillage centralisé, de ses vitres électriques à la... Non, je connais, je la prends. Ah, c'est décidé. Ah oui, c'est décidé. Pendant les portes ouvertes jusqu'au 20 septembre, profitez de nos conditions exclusives sur toute la gamme Volkswagen. Par exemple, une Polo à partir de 129 € par mois en location pour particuliers. Infos et conditions sur Volkswagen.be. Bienvenue dans ce cours de langue porcine pour les fermiers. D'après une étude, il apparaît que les éleveurs ne comprennent pas le langage des porcelets. C'est pourquoi nous leur apprenons aujourd'hui trois expressions. La première veut dire « je me sens bien ». La suivante veut dire « j'adore ». Et enfin, la plus difficile veut dire « arrêtez de me castrer, c'est insupportable ». Malheureusement, beaucoup trop d'éleveurs ne le comprennent toujours pas. Aidez-nous à faire interdire légalement la douloureuse castration des porcelets. Rejoignez-nous sur gaia.be. Suivre un cours du soir à la Netherlands Academy et pas dans une autre école de langue, qu'est-ce que cela apporte de plus ? Yann, professeur. De Nederlandse Academie. La Nederlands Academie propose un programme 7 jours sur 7. Een avond per week les. Une soirée par semaine en cours. De mogelijkheid om gratis onze conversatie. Ensuite, l'élève peut fréquenter gratuitement le club de conversation les autres jours de la semaine. Dat is ongezien. C'est du jamais vu. Nederlands Academie, la porte qui ouvre les portes. Programme du soir 7 jours sur 7 sur 4 mois. Info sur nedaka.be. Nouveau, l'offre week-end de La Libre. Consultez chaque jour La Libre en numérique et le samedi, retrouvez-la en version papier dans votre boîte. Accompagnez des suppléments La Libre Entreprise et le Quid. L'offre week-end de La Libre. En septembre, offre de lancement exceptionnelle à 12,99€ par mois. Infos et abonnements sur lalibre.be. Offre soumise à condition. La Libre, faisons vivre l'info. Mais chérie, mais ça fait déjà 5 fois que tu rates la sortie. Tu le fais exprès ou quoi? Mais non, pas du tout. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advance Comfort avec navigation connectée et Pack Lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. À 7h30, voici les titres de l'actualité sur Vivacité avec Lionel Denebourg. Nouveau coup dur pour l'emploi. Cette fois, c'est AXA qui veut restructurer. Le groupe bancaire et d'assurance annonce la suppression de 650 postes d'ici 2 ans. C'est environ 15% du personnel. Les syndicats de Caterpillar reçus en ce moment par le gouvernement wallon pour envisager la suite après la fermeture annoncée du site de Gosselies. Ce matin, un millier de travailleurs étaient présents pour la première assemblée générale. Les syndicats demandent de continuer à venir à l'usine pour ne pas risquer de licenciement. Le gorille de l'Est, le plus grand primate du monde, désormais en danger critique d'extinction. L'Union internationale pour la conservation de la nature vient de mettre sa liste à jour. Et bonne nouvelle par contre, le panda quitte la catégorie d'espèces en danger. Dernier entraînement aujourd'hui pour les Diables Rouges avant leur match contre Chypre. Ce sera demain soir, le tout premier match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018. Ce sera en Russie. Merci Lionel. Prochain point sur l'actu, ce sera tout à l'heure à 18h. La météo, est-ce qu'il faut sortir un petit ciré? Est-ce qu'on va sortir en t-shirt demain? La réponse avec vous Dominique. Et on va devoir même pouvoir rester en t-shirt demain parce que le temps sec s'affirme. Donc pas de petit gilet, c'est ça que je voulais dire. Et maxima 19 à 24 degrés, un petit peu pareil à ce qu'on a connu aujourd'hui. Et puis de mercredi à vendredi, surtout pas de gilet. On va reparler de conditions estivales, soleil et chaleur. 21 à 26 degrés mercredi, 25 à 28 jeudi et 26 à 29 vendredi. Et je voudrais qu'on s'arrête un instant pour tous ces gens qui ont eu des vacances sous la pluie en Belgique et qui ont repris le boulot, repris l'école et qui se retrouve maintenant avec du beau temps. Bah courage à vous, c'est ça la Belgique. 17h32, on part sur les routes tout de suite, c'est le RTBF Mobile Info avec Anne-Michel Vlouberg. Y a-t-il des perturbations à 17h32? Oui, toujours avec les suites de l'accident tout d'abord impliquant 2 camions sur le 411 Luxembourg-Bruxelles à hauteur du viaduc de B. La bande droite est toujours encombrée, circulation fortement ralentie sur 3 km en direction de Bruxelles. 2 accidents sur le ring, tout d'abord en circulation extérieure à hauteur de Wemel, bande droite encombré. Circulation ralentie, vous perdez une vingtaine de minutes vers Grand Bigard. C'est le cas également en circulation intérieure avec cet accident en hauteur d'Anderlecht, bande gauche neutralisée. Il y a des files également dans lesquelles vous perdez une trentaine de minutes également en direction de Grand Bigard. À Bruxelles, ralentissement habituel dans les tunnels de la Petite Ceinture. Différentes zones de travaux vous ralentissent à cette heure-ci. C'est le cas sur le 40 d'Aix-la-Chapelle-Bruxelles à hauteur de Cherat. Vers Aix-la-Chapelle, entre Lons-Saint-Cherat, vous perdez 3 quarts d'heure et vous perdez 10 minutes depuis Barchon, direction de Bruxelles. Ça coince également dans les travaux sur le 411 Arlon-Namur, à hauteur d'Auchan. 6 km de file, vous perdez là près d'une trentaine de minutes en direction de Namur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. jusqu'à 19h. 5 à 7. Avec un classement cet après-midi, le classement des tubes de l'été, les tubes de cette année. Il y a l'ADH qui vous demande aujourd'hui sur son site internet de voter pour le tube de l'été. Alors, il y a quelques propositions, mais je vais vous demander, à vous de me dire cet après-midi, si le classement qui est établi par l'ADH, et je vous le donnerai tout à l'heure, est le même que celui auquel vous pensez finalement. Votre tube de l'été, c'est lequel ? 3063 par SMS pour me le dire, ou sur la page 5 à 7 via cité RTBF. Par exemple, il y a dans ce classement Major Lazer. Vous l'avez entendu, ça pendant l'été, Major Lazer. Vous l'avez peut-être aimé, vous l'avez adoré. Est-ce que c'est pour vous le tube de l'été, ça ? Major Lazer est dixième. Mais qui vous mettriez en première position ? Vous, 3063 par SMS pour me le dire. Ça va rappeler un petit peu les vacances, comme justement il fait beau dehors et pour les jours à venir, ça va rester comme ça. Mais prolongeons cet état d'esprit de vacances. 3063, quel est pour vous le tube de l'été ? Dans un instant, on part en Suède. On va retrouver Martin de la rédaction des sports. Il est en train de regarder comment se passe le swimrun en Suède. Vous savez ce que c'est, vous ? Bah, la réponse juste après ça. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Et pour toi, qui a le meilleur prix ? Le meilleur prix ? Avec le choix, la qualité et les conseils du spécialiste compris ? C'est chez Big Mat, bien entendu. Alors, cette semaine, ne ratez pas leur folder de promo dans votre boîte aux lettres et sur bigmat.be. Big Mat. Bien plus que des matériaux. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les comptes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Voltis. Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre, portes ouvertes exceptionnelles à Nivelles et Waterloo. Pour le premier anniversaire de Nivelles, Voltis frappe fort. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu, 20% sur tout pendant ces 4 jours à Nivelles et Waterloo. Découvrez nos promotions sur voltis.be. Voltis. C'est vous qui voyez. Chou, le plombier est là. C'est le menuisier. Le carreleur est aussi arrivé. Et ben voilà déjà le peintre. Avec Dagmar Buys, vous avez tous les spécialistes de la salle de bain à votre disposition, sans souci. L'équipe de Dagmar Buys rénove votre salle de bain de A à Z dans les plus brefs délais, selon vos goûts et votre budget. Dagmar Buys, inspiration, rénovation. Contactez-nous sur dagmarbuys.be. Vivacité présente le meilleur de l'Extraordinary Film Festival, les 16 et 17 septembre à Uccle. Renseignements teff.be avec Cap 48 et Vivre Ici. 17h-19h, 5 à 7 sur Vivacité. Vous savez que Cap 48 approche et alors ce week-end il y avait le grand défi, 24 heures de cartes à Spa-Francorchamps. Il y a d'autres défis qui arrivent, il y a des journées et soirées ateliers qui vont être organisées grâce à la vie du bon côté. 30 septembre à Mons, 6 octobre à Liège et vous allez avoir des ateliers qui vont être organisés par des invités réguliers de l'émission. Vous entendez avec Sylvie régulièrement donc les après-midi sur Vivacité. Alors il faut payer pour participer mais c'est pour la bonne cause. Vous allez retrouver toutes les infos sur vivacité.be et grâce à votre générosité, ben, vous allez pouvoir aider Cap 48, la grande soirée de clôture approche déjà, on a besoin de vous. 5 à 7. Parlons un petit peu de sport tout de suite dans ce 5 à 7 avant d'accueillir Ophélie Fontana dans quelques minutes pour l'image du jour, ça arrive avant 18h. On prend la direction de la Suède tout de suite, retrouver Martin Weinens. Vous êtes sur place parce qu'en ce moment en Suède, il y a le swim run. Bonsoir Martin. Martin, est-ce que vous êtes là ? Martin, on va le retrouver dans un petit instant sur Vivacité. Juste le temps de vous rappeler que vous allez repartir avec des cadeaux et pas n'importe quoi. Grâce à Vivacité et l'Eurospace Center, vous allez emmener toute votre classe directement dans l'espace. Si c'est pas sympa ça, vous allez repartir avec, donc avec ça, un accès donc pour tout le monde, pour toute votre classe, à un stage. C'est le stage de l'espace, la classe de l'espace. 3 jours, 2 nuits pour apprendre tout ce qu'il y a à savoir finalement sur l'espace. Peut-être que ça va permettre de créer une vocation, peut-être que dans votre classe, peut-être vous-même, dans quelques années, vous serez dans la Station Spatiale Internationale. Ça, c'est pas mal. Et tout ça grâce à un concours aujourd'hui. Donc je rappelle que c'est pas juste pour une personne, c'est toute une classe. Avec vos copains, vous allez donc découvrir cette classe de l'espace à l'Eurospace Center. Vous envoyez maintenant le mot espace au 6003 pour 75 centimes. Le message. Il y a des invités qui vont arriver tout à l'heure dans le 5 à 7 sur Vivacité. Alors là, je suis content. Je suis content parce que il y a les coachs, les nouveaux coachs de The Voice qui seront là tout à l'heure. Ça, c'est quand même top. Ils s'appellent Big Flo et Oli. Vous les avez entendus entre autres aux Francofolies de Spa cet été, c'est la folie pour Big Flo et Oli. Ils seront ici en direct dans quelques minutes. Ah, ils font ça entre autres, Big Flo et Oli. Mes pupilles fixent l'aiguille de la montre qui brille sur mon poignet. À l'étroit dans mon corps, je regarde le monde par le trou de la serrure. Les gens diront que je n'ai fait qu'agrandir celui de la sécu. Je suis croyant, on me reproche souvent de l'être. On me reproche ma barbe, pourtant j'ai la même que Jean Jaurès. On me compare à des barbares auxquels je n'ai jamais cru. Les mosquées sont trop petites, alors parfois je prie dans la rue. On parlera avec eux de leur musique. Et peut-être que vous vous posez la question de savoir ce qu'ils font dans The Voice. Parce que c'est vrai que c'est pas la musique qu'on entend tous les jours dans The Voice. On suivra ça tout à l'heure si vous avez des questions. 3063, je vous attends par SMS. Une toute petite pause. Et dans la suite du 5 à 7, Ophélie Fontana sera là. L'image du jour qui arrive avant 18h. Et on partira à Montpellier aussi, en France. Et il y a des gens qui ont décidé de mettre en place une solution eux-mêmes pour éviter les excès de vitesse devant chez eux. Quelqu'un a déguisé une poubelle en radar. Est-ce que c'est autorisé chez nous? Est-ce que vous pourriez le faire dans votre quartier si vous avez des enfants et que vous trouvez que c'est dangereux la vitesse de circulation dans votre rue? On voit ça dans un instant. Et oui, la fête continue chez AJD Caravane et Motorhome à Neupré. Vous êtes invité aux portes ouvertes du 3 au 11 septembre. Vous pouvez découvrir les premiers modèles 2017 dans notre nouveau showroom. Vous profitez bien sûr de nos conditions spéciales 50e anniversaire. AJD vous propose aussi les derniers modèles 2016 à prix fou. En plus, nous vous proposons des promos anniversaires sur tous nos véhicules d'occasion. AJD Caravane et Motorhome, route du Condro à Neupré. Portes ouvertes du 3 au 11 septembre. Plus d'infos sur ajd.be. Ne manquez pas la deuxième édition du Toots Jazz Festival à la Hulpe. Un hommage à Toots Thielemans. Une affiche exceptionnelle avec Michel Jonas et Manu Katché. Philippe Catherine, Richard Galliano et Didier Lockwood. BJ Scott. Steve Barrow. Bruno Castellucci et la crème du jazz belge. Les 9, 10 et 11 septembre. Info et tickets, jazzlahulpe.be. Avec vivacité. Excusez-moi, la Peugeot 308, là. Les projecteurs avant full LED, elle a ça? Elle l'a. Et la navigation sur écran tactile, elle l'a? Elle l'a. Elle a bien plus que ça. Elle a le toit panoramique, elle a aussi l'eye cockpit et le combiné tête haute. Ah bon, elle l'a? Non, elle les a. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients. Parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles, de l'offre 50-50, 50% de remise sur 100% des options. Et de 3 ans d'entretien offerts sur les véhicules de stock. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Portes ouvertes ce week-end, dimanche compris. Offre soumise à condition. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise? Moi, oui. Une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 km gratuits. Direct. Direct. Direct. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Mais ma chérie, je ne peux pas demander conseil à Abiome pour la couleur du nouveau canapé. Et pourquoi pas? Ils ont les meilleurs conseillers, tu sais. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, chérie. Et pas pour les canapés? Non. Abiome, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. Abiome, fenêtres, portes, vérandas. Renseignez-vous sur abiome.be. Jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. Vivacité. On va parler radar cet après-midi. Alors généralement on n'est pas fan d'en entendre parler, mais là on prend la direction de Montpellier. À Montpellier, il y a une famille qui était complètement exaspérée par les excès de vitesse dans la rue où ils habitent, et alors ils ont déguisé une poubelle en radar. Alors ça marche, les gens ralentissent, en tout cas au début, puisque c'est surprenant de voir un radar sur son chemin. Mais est-ce que chez nous on peut le faire? Est-ce qu'on a le droit de prendre une décision par soi-même, simplement pour ralentir la vitesse de circulation dans son quartier? On va en parler avec Philippe Borza, vous êtes commissaire de la zone de police Mons-Kévy. Bonsoir commissaire. Bienvenue dans le sac à 7, commissaire. Commissaire n'est pas là, décidément. On a un petit problème de standard aujourd'hui. Est-ce qu'on a quelqu'un au téléphone? Est-ce que Martin Weynands, par hasard, est là au téléphone? Je tente avec tous les invités de cette émission. Martin, est-ce que vous êtes là? Martin n'est pas là. Commissaire Borza, est-ce que vous êtes là? Commissaire Borza n'est pas là. Bon, ben, je vais me tourner vers Ophélie Fontana, qui, elle, est déjà là, bonne élève, avant l'heure de la séquence. Bonsoir, Ophélie. Mais bonsoir. Mais moi, j'en sais rien, là, sur votre radar. Non, mais vous, dans votre rue, comment ça se passe? Est-ce que ça roule bien dans votre rue ou pas? Moi, j'habite dans un cul-de-sac, donc ça ne roule pas beaucoup. Ça roule pas beaucoup. Non, c'est vous n'avez jamais eu ce c'est problème, vous n'êtes jamais dit, tiens, je vais déguiser une poubelle en radar. Non, en tout cas, dans mon quartier, ce ne serait pas très intéressant. Mais dans certains endroits, oui, pourquoi pas. Mais c'est vrai que j'ignore complètement si c'est tout à fait permis ou pas. Alors, dès que le standard refonctionnera, on pourra avoir la réponse. Mais je vais rester. Est-ce que vous avez déjà pensé, vous, à vous déguiser en radar pour une soirée? Je me suis déjà déguisée en radar. Je sais pas, ça peut arriver parfois. Hein. Ben, vous venez de me donner une idée pour les prochains carnavals, super. Eh ben, n'hésitez pas. Tant que vous êtes là, Ophélie, on fera l'image du jour dans un instant, puisque c'est nouveau. Tous les soirs, vous allez venir dans cette émission pour nous parler de l'image forte de la journée. Quel est le morceau qui, pour vous, cet été, était le tube de l'été? Ah, on a beaucoup entendu la chanson de David Guetta au moment de l'Euro de foot. Ah oui, elle avait comment encore, cette chanson? Ça, c'est l'air, je ne sais plus, mais c'est David Guetta. J'ai même plus le titre. C'est la chanson de l'Euro, hein. Ah ben, effectivement, c'était la chanson de l'Euro, et c'était. Et vous savez la chanter, grand amateur de foot que vous êtes. Ah ben, je ne me souviens même plus. C'est vrai qu'on l'a entendu 12 000 fois, mais je m'en souviens plus. Je vous pose la question parce qu'aujourd'hui, la DH a sorti le classement des tubes de cet été. On va faire un tour ensemble dans quelques minutes, et vous mettriez donc David Guetta vous en première position. Bon, c'est celle qui m'est venue comme ça. On l'a tellement entendue en juin, en juillet, voilà. Je peux vous dire que ce n'est pas David Guetta en première position. Mais ça m'étonne pas. Et c'est quoi en première position? Ah bah, je ne vous le dis pas, restez là, on en parlera dans quelques minutes. On va reparler de sport dans quelques secondes, on va le faire tout de suite avec Martin qu'on a retrouvé. Martin, est-ce que vous êtes là en direct de Suède? Exactement. Je vous entendais déjà tout à l'heure, mais il y avait un petit problème de connexion a priori. Bah effectivement, mais vous êtes là, tout le monde vous entend. Ça tombe bien, on va parler de swimrun avec vous. C'est quoi le swimrun? Pourquoi vous êtes parti en Suède pour ça? Parce qu'en fait, il y a des championnats du monde de swimrun, et ben, comme son nom l'indique, c'est un mélange de natation et de course à pied. Mais si c'était aussi simple que ça, on ne nous aurait pas envoyé avec une équipe de la RTBF pour faire découvrir ce sport un petit peu. Il faut savoir que ce sport, il a une histoire un peu particulière, puisqu'il est né il y a une quinzaine d'années d'un pari un petit peu fou entre quatre amis. Figurez-vous que vous avez sans doute inséré deux, trois paris au terme de soirées arrosées. Jamais sportif. Jamais sportif. Ben voilà, eux, c'était des grands sportifs. Et ils habitent en fait dans une archipel au large de Stockholm où il y a 30 000 îles. Et ils ont décidé de partir du sud pour rejoindre le nord de l'île sur un coup de tête. Et le pari, c'était celui qui arrivait le dernier devait payer l'addition aux autres. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué que ça au niveau du sport, puisqu'il y a plein d'îles et donc il fallait aller rejoindre chaque fois à la nage et passer en courant sur chacune des îles. Donc ça donne des paysages absolument magnifiques. Là, je suis sur le bord d'une île, il y a un coucher de soleil qui arrive, c'est absolument fantastique, mais c'est aussi très très difficile parce que c'est des îles qui sont très sauvages, donc, il y a des rochers qui glissent, il y a des chemins à moitié tracés, donc c'est vraiment un effort exceptionnel que les participants doivent accomplir, puisque je vais quand même vous expliquer les distances de ce championnat du monde. Ah bah oui, on vous écoute. Ça donne 75 km au total, avec 10 km dans l'eau, mais l'eau c'est pas l'eau de la piscine ou l'eau de la douche à 28 ou 30 degrés, non, là ici l'eau elle est à 14 degrés quand ça va bien, donc il fait froid, et puis pour le reste eh bien il faut courir 65 km, donc un marathon et demi pour les spécialistes, dans des chemins que je vous ai décrits assez compliqués avec des racines et ce genre de choses, donc quand on voit la tête des gens qui arrivent au final, donc à l'île de Sandam, vous les voyez, ils sont vraiment éprouvés. Et s'ils passent la ligne en marchant correctement, quelques minutes plus tard, c'est plutôt en boitillant qu'ils se promènent. Certains ont même besoin de couverture, de sécurité. Là, le bruit que vous entendez derrière moi, c'est parce qu'on a la dernière limite. Il y a des limites de sécurité et certains sont en train de passer juste avant la limite et donc on les félicite puisqu'ils vont pouvoir arriver au bout de cette épreuve qu'on vous a décrite comme très difficile. Mais tout le monde n'arrive pas au bout alors? Non, tout le monde n'arrive pas pour moi. Là, c'est des gens qui, des sportifs qui sont en train d'arriver. je disais pas pour vous. Je disais tout le monde n'arrive pas au bout de la course. Ah non, tout le monde n'arrive pas au bout. La connexion n'était pas si bonne que ça finalement. Et donc non, tout le monde n'arrive pas au bout. Surtout aussi pour des raisons de sécurité, parce qu'au bout d'une certaine heure, la nuit tombe plutôt ici, et pour éviter qu'il y ait des nageurs au milieu des îles et avec éventuellement des bateaux qui pourraient passer, on préfère du côté de l'organisation mettre les arrêter avant que ce ne soit trop dangereux. Voilà. Eh ben merci Martin. Sécurité, mais ça n'empêche rien à la performance de ceux qui éventuellement n'iraient pas jusqu'au bout. Ah bah effectivement, déjà se lancer dans l'aventure, c'est pas mal. Et sinon, la Suède, en dehors de ça, c'est comme on le dit ou c'est moins bien? Rapport à vos voisines peut-être, vous voyez? Ah ben mes voisines actuellement c'est plutôt des sapins, donc vous donnez envie d'aller en Suède, comme quoi hein, ce vieux mythe n'est donc pas vrai. Merci Martin d'être passé ce soir dans le 5 à 7. Je vous souhaite une bonne soirée et bonnes vacances, ou en tout cas bon travail en Suède. Il est 17h49, vous écoutez le 5 à 7 sur Vivacité. 5 à 7. Et c'est nouveau dans le 5 à 7, parce qu'elle est partie en vacances plus longtemps que les autres. Donc elle fait sa rentrée avec du retard. On retrouve Ophélie Fontana pour l'image du jour. Bonjour Ophélie. Bonjour Cyril. Vous m'accueillez déjà, franchement, je suis contente d'être venue là. Et dites-vous qu'à la fin de l'année, on va passer une semaine enfermée dans un cube. On va s'amuser. Ophélie, l'image du jour, c'est tous les jours maintenant dans le 5 à 7 à cette heure-ci. Et qu'est-ce que ça va être? On va parler de quoi? Alors j'espère parfois pouvoir venir avec des images positives, des images souriantes. Malheureusement, aujourd'hui dans l'actualité, l'image qu'on retiendra, ce sont les mines déconfites des travailleurs de chez AXA. Puisque je ne sais pas si vous avez entendu cette nouvelle, mauvaise nouvelle qui est tombée ce matin, c'est 650 emplois menacés d'ici 2 ans. Donc chez AXA, c'est l'un des gros assureurs de Belgique. Cela représente 15% du personnel donc, qui est menacé. Il y a 4200 personnes qui travaillent chez AXA. Et ce matin, la mauvaise nouvelle est tombée à l'issue d'un conseil d'entreprise extraordinaire. La direction a présenté son plan stratégique d'ici 2020. Tous les secteurs vont être touchés par cette mauvaise nouvelle. Les détails un petit peu plus pratiques vont être communiqués au personnel dans les prochains jours, mais déjà une certitude, 300 personnes vont devoir quitter l'entreprise d'ici la fin de l'année. Et voilà, la direction veut essayer quand même de limiter quelque peu la casse, c'est ce qu'elle dit pour l'instant. Elle va demander d'être une entreprise placée en restructuration. Pourquoi? Mais ça lui permettra de pouvoir baisser l'âge de la prépension à 55 ans et donc avoir le moins de licenciements secs possible. Donc voilà, ça c'est ce qu'on sait aujourd'hui. On sait que des emplois sont menacés. Comment va se passer cette restructuration? Ça, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, il y a une restructuration qui est en marche et qui risque de faire mal pour cet assureur. Il y a quand même un climat social délicat là. En cette rentrée, après l'annonce de la fermeture de Caterpillar vendredi, donc nouvelle douche froide chez AXA. Pourquoi tous ces licenciements? Mais l'entreprise dit que c'est pour rester concurrentielle. C'est assez facile comme argument pour rester leader en Belgique dans le monde des assurances. Et donc, ça va se passer de 3 manières. AXA veut recentrer ses activités. Elle veut simplifier l'organisation de son entreprise et aussi accélérer la digitalisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de choses qui pourront se faire automatiquement. Donc il faut moins de personnel pour assurer certaines fonctions dans l'entreprise. Et voilà, il faut dégraisser. C'est pour être plus concurrentiel. Plusieurs sièges vont être fermés. On va recentrer les activités sur Bruxelles, sur Liège et Anvers. Donc ça aussi, ça veut dire des emplois en moins. Et puis, la direction dit que les coûts salariaux chez AXA sont beaucoup trop élevés par rapport à la concurrence. La direction dit qu'ils sont supérieurs de 20%. Forcément, le personnel, lui, il ne s'attendait pas à cette nouvelle. C'est vrai qu'il y avait des rumeurs depuis quelques mois, mais une douche froide pareille avec 650 emplois qui sont quand même menacés. Là, il ne s'attendait pas à ce que ce soit une nouvelle aussi mauvaise. On va revenir un instant sur l'annonce de la fermeture de Caterpillar vendredi. Les travailleurs aujourd'hui, on l'a vu, sont retournés à l'usine aujourd'hui. Pourquoi? Mais voilà, j'étais obligée quand même un peu de lier ces deux actualités sociales, puisqu'à quelques jours d'intervalle, de très mauvaises nouvelles. Et c'est vrai, donc étonnamment, pourraient penser certains, chez Caterpillar, on est retourné au travail. Pas forcément travailler comme d'habitude, mais c'était le fait d'être là, d'être présent dans l'entreprise. Et en fait, c'est ce qui est prévu par la procédure Renault. C'est une procédure assez connue désormais, qui est déclenchée en cas de fermeture d'entreprise. Elle a été lancée cette procédure en 1997 quand l'usine Renault, d'où le nom procédure Renault, a été fermée. Et donc ça permet, en fait, c'est toute une période qui permet aux syndicats d'informer, de consulter le personnel avant d'en arriver bel et bien à ces licenciements, à cette restructuration d'entreprise. Donc c'est une période un peu de transition avant d'en arriver à la décision fatale. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des employeurs sont retournés. Ils n'avaient forcément pas le cœur à l'ouvrage, mais il y a déjà eu différentes réunions qui ont été tenues pour les informer de la de la suite du programme, j'ai envie de dire. Et justement, la suite du programme pour eux ? Bah, ça va être assez long. Ça, c'est clair que cette procédure, quand on ferme une entreprise, c'est assez long. Donc, il va y avoir des négociations syndicales, des négociations politiques qui vont prendre pas mal de temps. Il y a déjà eu aujourd'hui plusieurs réunions pour informer le personnel de ce qui va se passer dans les prochains mois, parce que c'est assez technique et assez compliqué parfois la fermeture d'une entreprise. On ne quitte pas l'entreprise du jour au lendemain. Et puis au niveau politique aussi, ça bouge beaucoup. Il y a déjà eu un Cairn ce matin. Le gouvernement wallon donc, s'est réuni avec ses principaux ministres. À la tête, bien sûr, de ce gouvernement, on a Paul Magnette qui va travailler sur le dossier. Et Paul Magnette, il est aussi bourgmestre Carolo et Caterpillar se situe à Gosselies. Donc dans moins d'une heure, il y a un conseil communal qui va débuter à Charleroi. Donc voilà, on n'en est qu'au début de cette procédure Renault, au début de la fermeture de Caterpillar. Mais en tout cas, Paul Magnette, le ministre-président wallon, croit toujours en une reprise possible de l'entreprise située à Gosselies. Eh ben, on suivra bien sûr tout ça dans les éditions radio sur Vivacité. Et puis on vous retrouve tout à l'heure dans le 15 minutes sur les deux. Mais voilà, on reviendra entre autres sur cette image de l'actu. Merci, et à demain. À demain. À demain. Il est 17h54, voici le cactus de Jérôme de Warzé. Jérôme, c'est donc le coup de massue, un Caterpillar. Les Américains ont fermé l'usine sans aucune concertation. Mais parfaitement, Benjamin, ce sont presque 6000 emplois impactés par cette décision. La résistance s'organise. Alors, Paul Magnette, bonjour. Salaud de capitaliste, enfoiré d'actionnaire, aucune concertation, rien. Et le plus invraisemblable, c'est qu'ils ne m'ont même pas appelé, moi, vous vous rendez compte, alors que je suis le référent, l'unique phare qui luit dans les ténèbres du pays noir. Enfin, sans moi, on sait bien que cette région ne s'en sortira pas. Mais enfin, vous n'avez pas toutes les cartes en main, Monsieur Magnette, quand même. Allons. Tout le monde sait que quand je tousse, c'est toute la région qui a la grippe aviaire. J'ai toujours tout réussi. Oui. D'ailleurs, les deux principaux chantiers que j'ai mis en œuvre pour cette ville sont en passe d'être achevés. Ah, vous réindustrialisez la région, vous relancez l'emploi ? Mieux que ça. Primo. Charleroi est en tête de la Pro League. Ah oui, ça. Oui, ça, du point de vue des miracles, oui. On peut pas faire mieux. Le pape François, au lieu de canoniser cette vieille bigote de Mère Teresa, devrait plutôt me canoniser moi. Oui. C'est un vrai miracle. C'est pas M. Luther qui me contredit. Non, non. Alors, votre second chantier, c'est la fin de la corruption, peut-être. Mais dites, mais vous êtes fou. Je suis tout de même pas magicien non plus. C'est une prouesse tout de même. Il n'y a plus de prostituées dans le quartier du Triangle, en dessous du pont du Petit Ring. Ah, ça, c'est formidable. Ça, vous avez annihilé la prostitution à Charleroi. Ah, totalement, totalement. Maintenant, les putes, elles sont toutes derrière le Corracciolino. Ah bon, bon ben, vous avez l'air remonté contre M. Thompson, hein, ben Benjamin, le directeur financier de Caterpillar, qui a accepté de prolonger un peu son séjour en Belgique pour répondre à nos questions. Alors, M. Thompson, bonjour. Yes. One moment, please. Okay. Oui. Allô? Yes, oui. Mr. Michel. Oui. Okay. Hello, Charlie. Oui, hello. It's Mr. Potatoes. Oui. Mr. Potatoes. Oui. Yeah, it's funny. Oui, oui. Funny country. Oui, yes. C'est ça. Yes, Charlie. Un petit déjeuner au Cercle de Lorraine. Yes, funny. Very funny. Yeah. Oui. Est-ce qu'on peut déplacer le lieu de réunion? Yes, of course. Où ça? D'ailleurs, le Cora de Charlino. Non, mais Monsieur Thompson, des milliers de travailleurs se retrouvent sans emploi. C'est un drame social immense. Ah, beg your pardon, mais j'ai proposé un plan de reprise qui a été refusé. Ah bon? Ben oui, apparemment ici, personne n'est prêt à aller travailler en Roumanie 50 heures par semaine pour 6,40 € brut. Les gens ne veulent même plus bosser. Non, ben enfin, mais 6,40 € brut de l'heure, c'est inique. C'est deux fois plus qu'en Asie, OK? Ah, ben vous voulez tous nous saigner. Nos actionnaires sont tellement exempts qu'ils veulent obliger le Belgium à organiser une opération caritative chez Caterpillar pour récupérer quelques milliards. Ah. Ça s'appellerait 4,48 €. Enfin, vous dites n'importe quoi. Quoi, hein, et puis, en Belgium, plus possible de bosser. Terrorisme, menace, attentat. Ah ben, Daesh. No, FGTB. Ah, Daesh, my God, avec Daesh, on peut encore discuter. Mais bon, bah, c'est insensé. Hein, vous venez jusqu'ici annoncer à des gens qui sont virés, c'est la précarité. C'est... Ma drôle de région. Moi, je suis arrivé par hélicoptère, on atterrit, je regarde, je dis, I'm very well. Ils ont déjà tout démonté ici, même l'usine. Il ne reste plus grand-chose, c'est anticipation. Mais non, ils ne le savaient pas, alors... Yes, of course, là que j'ai appris qu'en fait, j'étais au centre-ville. Hein. Oh, my goodness, vous avez eu un tsunami. Mais non, écoutez, bon, nous savons que la compétitivité est rude, mais vous avez reçu beaucoup d'aide de la région wallonne tout de même. Peanuts. Comment, mais... Mais peanuts, des aides de la région wallonne, yes. Mais quand travailleur est payé 32 € de l'heure brut, ça nous coûte 648 € de l'heure net. C'est même plus de la taxe, c'est grand banditisme dans l'exercice de ses ponctions. Et puis, en Belgium, il faut semaine de 4 jours, prime de fin d'année, de début d'année, de milieu d'année, 17e mois, oui. Le congé périparental pour le mère, le père, le grand-mère, mal le chien de la voisine. Et bientôt quoi? Oui. Hein, vous voulez qu'on offre à chaque ouvrier soudain un bulldozer en fonction? Mais non, c'est un pays surtaxé. Bon, ça, on le sait, mais bon. Mais qu'est-ce que l'État belge fait de tous ces prize money? Et le bruit pour chauffer le ministère, oui, ou quoi? Alors ça, la question n'est pas stupide. D'ailleurs, M. Di Rupo est avec nous, d'ailleurs. Oui. Oh, mon cœur saigne. Non, c'est fini, vous ne pouvez plus rien y faire de toute façon. Ah, ça va mieux là. Ah. Mais je vais vous dire que nous devons être extrêmement sévères avec ces Américains. Ah. Et j'ai des solutions. Ah. D'abord, nous allons boycotter Coca-Cola. Ah oui, oui, bah ça. Parce oui. Que si à Charleroi tout le monde s'y met, ils vont le sentir passer. Ah, hein. Oui, oui. Ensuite, je crois que nous allons envoyer des pandas suicides. Non, monsieur Thompson, vous dites n'importe quoi. Bon, monsieur Thompson, allez. Ok, excusez-moi, je dois filer. Je vais à Grenoble. Ces idiots craquent, ils sont sauvés. Oui. Tiens, voici ma carte, si vous voulez. Ah oui. Ah tiens, c'est votre numéro de téléphone, là? Ah non, c'est mon salaire. Ça impressionne toujours, Mr. Potatoes. Bon voyage, alors. Avec Fabien Lecastel, ce matin. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Voici la météo tout de suite avec Dominique. Et un temps sec qui va s'affirmer demain avec des températures en douceur comme aujourd'hui 18 à 24 degrés et des conditions estivales annoncées de mercredi à vendredi. Du soleil et de la chaleur jusqu'à 29 degrés en fin de semaine. Dominique, merci. Dans un instant, le journal de 18h et puis sur Vivacité, deux invités. Ils seront coach The Voice, Big Flo et Oli arrivent après le journal. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profiter des dernières technologies. Ce Pilot Assist de série dans la nouvelle Volvo S90, par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. C'est samedi et dimanche chez votre distributeur Volvo. Merci d'écouter Vivacité, il est 18h. Deux heures de discussion, les syndicats de l'usine Caterpillar ont été reçus au siège du gouvernement wallon à Namur. Ministres et représentants syndicaux travaillent main dans la main, mais la direction, elle, se tait. Et l'histoire se répète ailleurs. Axia Belgium annonce vouloir supprimer 650 emplois en deux ans. L'assureur repense son avenir, même si aujourd'hui il est rose. C'est une baffe, vous dira un délégué syndical. On y vit bien, on y vit vieux. Un village du sud de l'Italie intrigue les chercheurs. 81 centenaires y coulent des jours paisibles. Ils n'y ont rien de plus. Bien au contraire, eux ont un petit quelque chose en moins. La génétique a parlé. En sport, Chypre-Belgique, c'est demain. On en parlera dans le journal des sports. Le Diable Rouge Thomas Meunier vous parlera de la manière dont les Belges veulent jouer. Et cette fois, plus question de laisser filer le ballon. Le journal sur Vivacité, c'est avec Delphine Vreux. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Après l'annonce de la fermeture de l'usine Caterpillar à Gosselies près de Charleroi, après le choc encaissé par les travailleurs après les contacts du week-end, les réunions, les syndicats ont passé deux heures cet après-midi aux côtés du ministre-président wallon, Paul Magnette, et de ses numéros 2, Maxime Prévost et Jean-Claude Marcourt. La réunion s'est terminée il y a quelques minutes à peine. On n'en a pas de solution miracle, disait à son arrivée Maxime Prévost. Et deux heures plus tard, le constat est là. Wallon et syndicats se voient, mais la direction, elle, reste muette. Écoutez le ministre wallon de l'économie et de l'industrie, Jean-Claude Marcourt. Il y a des organes de gestion, mais il est clair que les véritables commanditaires, c'est Caterpillar États-Unis, et que nous attendons bien évidemment d'eux un engagement fort pour respecter leurs obligations à l'égard des travailleurs. Le ministre-président dit qu'il y a une zone de flou aujourd'hui dans ces négociations, qu'on ne voit pas très bien qui est autour de la table. Moi, je ne parle pas avec la direction américaine, elle n'a pas pris contact avec nous. Et il appartient à Caterpillar, dans le cadre de ses obligations, de faire en sorte de nous mettre les interlocuteurs, peu importe qui ils sont, et ça peut évidemment être les interlocuteurs belges, mais avec un mandat clair. Et ce mandat clair, il n'existe pas aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas à moi à vous répondre, ça. C'est à la direction de Caterpillar. Le sentiment que nous avons, c'est qu'il y a comme le disait le ministre-président, une période de flottement. Jean-Claude Marcourt, interrogé par Rudi Herman, c'est ce lundi, les premières assemblées générales se sont tenues, les premières depuis l'annonce de la fermeture de l'usine. Les syndicats ont demandé aux travailleurs de se présenter chaque jour à l'usine, au moins durant la période de la loi Renault, cette loi qui réglemente les procédures de licenciement collectif. La première phase va débuter lundi prochain, une phase d'information. Lundi, date aussi d'un conseil d'entreprise européen. Le fédéral et la région wallonne se verront ensuite avant de recevoir les syndicats. Comme un mauvais scénario, et il se répète avec une fin toujours mauvaise, AXA Belgium veut supprimer 650 postes, 650 sur 4200 et certains dès la fin de l'année. Ce plan est nécessaire pour rester numéro 1 sur le marché belge de l'assurance, commente le directeur général, et il ajoute « AXA est très solide, l'objectif est de le rester. Mais l'assureur entend repenser ses activités, simplifier son organisation et investir dans le numérique. » Écoutez ce qu'en pense Dominique Calistri de la CGSLB. Je pense personnellement que tous les secteurs seront concernés. Et donc, les employés seront touchés, les cadres moyens et les cadres supérieurs seront également touchés. Vous devez savoir aussi qu'actuellement, dans la société, nous avons des plans départ qui concernent les personnes nées en 55, 56 et 57. Ces plans-là ne sont pas suffisants. Et donc, c'est pour ça l'annonce de la direction. 650, c'est une grosse baffe. C'est pas Caterpillar, mais c'est malgré tout une solide tarte. Faudra-t-il forcément passer par des licenciements secs ? Non, justement, on va essayer d'activer autant que faire se peut la prépension et bien entendu d'obtenir l'autorisation du gouvernement de pouvoir abaisser l'âge à 55 ans, ce qui nous permettrait d'éviter peut-être pas la totalité des licenciements secs, mais une grosse partie. Voilà une grosse baffe des propos recueillis par Sébastien Joris. Plusieurs conseils d'entreprise sont prévus à partir de mercredi. Et là aussi, le Premier ministre Charles Michel se tient informé de la situation. Et dans ce flot de licenciements annoncés, 88 emplois sont menacés aussi chez CP Bourg à Otigny dans le Brabant Wallon. Le site emploie 225 personnes et fabrique des machines destinées au monde de l'impression et au marché des arts graphiques. Ces difficultés se font sentir depuis plusieurs années déjà. Et là aussi, la procédure Renault de licenciement collectif est lancée. Le plus grand gorille du monde est au bord de l'extinction, Delphine. Il n'en reste plus que 5000 gorilles de l'Est au Congo et au Rwanda. L'Union internationale pour la conservation de la nature s'inquiète. De plus en plus d'animaux sont menacés à cause de l'activité humaine. Mais il est encore possible d'inverser la tendance. Les pandas géants en sont la preuve. Enfin, une bonne nouvelle que nous explique Tim Bowes, directeur zoologique du parc Peridaisa. Oui, heureusement, on peut encore avoir une bonne influence aussi, seulement pas une mauvaise influence. Le meilleur exemple maintenant, très très connu, c'est le panda géant. Donc il était dans la catégorie en danger, maintenant il est dans la catégorie vulnérable. Donc oui, il est encore menacé, mais il est déjà moins menacé qu'il y a 5 ans. Et ça, c'est du bon travail en captivité. Mais ils font aussi la protection des réserves naturelles. Donc le bon travail de la Chine et de ses collaborateurs un peu dans le monde entier ont fait que maintenant le panda est dans une meilleure place qu'il y a 5 ans. Des explications recueillies par Simon Gérard. Pourquoi vit-on si vieux à Acciaroli en Italie ? C'est un petit village de 700 âmes coincé entre mer et montagne dans le sud du pays. 700 habitants et 81 centenaires, en bonne forme en plus, pas ou presque pas de problèmes cardiaques ou neurologiques. Valérie Dupont, cette Dolce Vita attirée des chercheurs californiens. 81 centenaires pour moins de 700 habitants, voilà pourquoi le village d'Acciaroli intrigue la science. Depuis la découverte des zones bleues, ces 5 zones réparties sur la planète où le nombre de centenaires est supérieur à la moyenne mondiale, on sait que le régime méditerranéen et l'activité physique expliquent une certaine longévité. Mais les habitants de cette petite localité située non loin de Salerne auraient quelque chose en plus lié à la génétique. Ou plutôt, quelque chose en moins. Un biomarqueur est en effet pratiquement absent de leurs gènes. L'absence d'adrénoméduline, un vasodilatateur, favorise donc le développement de la microcirculation, permettant à ces centenaires de vieillir sans pathologie cardiaque ou cognitive, comme l'Alzheimer. L'usage quotidien du romarin, excellent pour le cerveau, ferait aussi partie de la recette. Les chercheurs ont décidé de poursuivre leurs études, même si on peut parier que ces centenaires préfèrent sans aucun doute aller à la pêche et cultiver leur potager plutôt que de se transformer en Kobe de laboratoire. Enfin, lui est tombé dans une sombre fissure de la comète Chury. Le robot Philae est localisé, toujours sur sa comète. Il avait semé les astronomes et resté muet depuis l'été dernier. En fait, le robot Philae est connu pour avoir réussi à atterrir sur une comète en 2014. À l'époque, c'était un événement mondial. Voilà pour le journal. Vous retrouvez Cyril et le 5 à 7. On lui avait dit de toujours regarder où il mettait ses pieds quand même. Il faut faire attention dans le noir. Ben oui, oh là là là là, ils savent rien faire tout seul, ces robots. Merci Delphine. Prochain point sur l'actu à 18h30. Le journal des sports arrive dans un instant et on part sur les routes tout de suite. C'est le RTBF Mobile Info avec Pierre Collard-Bovy. Y a-t-il des soucis à 18h08? Oui, ben il y a un accident à Bruxelles, à hauteur du square Jules de Troo, ce qui engendre de gros embarras de circulation. Évitez donc les environs si vous pouvez en tout cas. Et puis en Bruxelles, vous ralentissez du tunnel Léopold II au tunnel Botanique vers le midi et du tunnel Rogier au tunnel Léopold II vers la Basilique. Accident sur le ring de Bruxelles qui pose pas mal de problèmes en circulation intérieure. C'est à hauteur d'Anderlecht. La bande de gauche est neutralisée. Il y a des files en direction de Grand Bigard. D'ailleurs, pour faire le trajet au titre Grand Bigard sur circulation intérieure, vous mettez 63 minutes de temps de parcours supplémentaire. Donc plus d'une heure perdue dans ce problème. Plus 26 minutes également pour le ring pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard. Plus 15 minutes pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard. Sur le 40, dans le chantier entre Aix-la-Chapelle, sur le 40 Aix-la-Chapelle-Bruxelles, dans le chantier de Charatte, vers Bruxelles, vous perdez 5 minutes, ça commence à s'améliorer. Mais vers l'Allemagne, entre Lonsain et Charatte, vous perdez toujours une bonne cinquantaine de minutes. On rappelle ces deux contrôles de radar sur le 411 Bruxelles-Namur entre Torrembay et Aiguezé et sur le Ring 3 de Charleroi entre Forchy-la-Marche et Montigny-le-Tilleul en direction d'Épinay. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. À la rentrée, on n'oublie pas de glisser un mascara dans son plumier. En ce moment chez Planète Parfum, moins 21% sur tous les mascaras. Valable aussi sur planeteparfum.com. Vivacité, le journal des sports. C'est avec Jérôme Elguerz. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Cyril. Alors J-1, on y est avant Chypre-Belgique. Et dernier entraînement des Diables Rouges ce soir à 20h. La toute dernière séance avant le premier match qualificatif pour le Mondial 2018. Roberto Martinez a son équipe en tête. Elle a même fuité suite à un malentendu entre notre sélectionneur et le service communication de l'Union Belge. Par rapport à l'Espagne, on devrait voir deux changements. En défense, Jordan Lukaku laisserait sa place à Jan Vertonghen. Thomas Vermaelen est donc dans l'axe et puis en pointe de l'attaque, Romelu Lukaku viendra sans doute remplacer Divock Origi. Chypre est un adversaire complètement différent de l'Espagne. Cette fois, les Diables devront faire le jeu. On écoute à ce propos Thomas Meunier. La Belgique a toujours eu l'habitude de faire le jeu, donc je ne pense pas que ce soit quelque chose qui est hors nature. Ici, le coach Martinez, c'est un coach qui veut qu'on joue offensivement, que tout le monde participe au jeu, que ce soit les défenseurs ou les milieux def. Donc voilà, contre Chypre, non, ça va être un tout autre visage de l'équipe nationale belge et on croise les doigts pour que ça fonctionne. Et il y a un an, campagne qualificative pour l'Euro, ça avait fonctionné de justesse pour les Diables. À victoire 0-1 à Chypre avec un but d'Hazard dans les dernières minutes. Et à l'époque, 750 supporters belges avaient fait le déplacement. Demain, ils seront 3 fois moins nombreux pour soutenir les Diables Rouges dans le stade de Nicosie. Des supporters refroidis par l'Euro, mais aussi et surtout par le système de points de fidélité. Un système dont l'UEFA a oublié de tenir compte au moment d'octroyer les tickets pour l'Euro français. L'Union belge a décidé de modifier ce système de points de fidélité pour cette nouvelle campagne. Stéphane Marie suit les Diables Rouges depuis 1990 et il ne cache pas son amertume. Pour lui, l'Union belge n'a plus aucune considération pour ses supporters, surtout les plus fidèles. Nous qui sommes habitués à les suivre depuis de nombreuses années, tous nos points ont été divisés en deux pour que ceux qui ne les suivaient pas en temps normaux, maintenant, peuvent nous rattraper, quoi. Moi, je trouve ça un peu scandaleux, mais bon, on est obligé de suivre les règles, donc on les suit, quoi. C'est pour essayer d'attirer de nouvelles personnes, parce qu'on sait que les campagnes de réabonnement, ça se passe un peu difficilement cette année-ci. Oui, parce que rien que dans le club où je suis, donc le club de Namur, ils ont perdu plus de 100 membres. C'est quand même énorme. Par rapport à la dernière campagne. Oui, par rapport à la dernière campagne. Donc ils ont perdu plus de 100 membres, c'est énorme, quoi. Et les membres du club vous expliquent pourquoi ils ne se réaffilient pas? Mais tout simplement parce qu'ils ne croient plus au projet Diable Rouge. Et le système de points est tellement mal fait que, pour finir, ils savent qu'en commandant via le réseau de Normaux, on aura quand même des places. Est-ce que l'Union belge doit relancer une campagne de communication comme on avait eu les défis des Diables, etc. ou bien tout doit venir du terrain? Les deux. Personnellement, ils ne font plus rien pour les supporters. Ça, c'est la première chose. Et bien entendu, l'histoire de Wilmots, le nouveau coach. J'ai pas l'impression que c'est lui qui va tout révolutionner dans l'équipe nationale. Et donc, il serait temps de faire quelque chose pour les vrais supporters, quoi. Et Stéphane Marie, fidèle supporter belge, interrogé par Manuel Jousse. Toujours à propos des Diables, la FIFA a autorisé 16 joueurs à changer de sélection et à jouer pour le Kosovo. Le Kosovo qui dispute ce soir son premier match éliminatoire face à la Finlande. D'autres demandes sont toujours à l'étude, parmi elles celle d'Anan Yanouzaï qui attend le feu vert de la FIFA pour jouer sous les couleurs du Kosovo. En athlétisme, les trois frères Borlée devront théoriquement s'affronter sur le 400 mètres vendredi à l'occasion du Mémorial Van Damme. Oui, théoriquement, car la participation de Kevin n'est pas encore garantie. Kevin Borlée va faire le maximum pour prendre place dans les starting blocks, mais en conférence de presse cet après-midi, il n'a pas caché ses pépins physiques, les mêmes qu'à Rio. Toujours cette douleur lancinante au tendon d'Achille. Toujours des petits problèmes à cheville droite, au niveau du tendon, du pied, toujours des douleurs. C'est sous contrôle. Donc voilà, j'ai pris... un peu plus d'une semaine de repos, donc je me suis pas entraîné sur piste, j'ai fait d'autres entraînements. Maintenant, j'essaye de me remettre dans le rythme et voilà. Vous êtes incertain pour vendredi quand même, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, il y a toujours incertitude parce que voilà, il y a la douleur est là. Si j'ai le feu vert des médecins kinés, dire qu'il y a pas de risque, normalement, je serai présent vendredi. Si ça n'avait pas été le Van Damme, vous ne vous seriez sans doute pas aligné. Ouais, s'il n'y avait pas eu le Van Damme, je pense qu'après Rio, j'aurais terminé ma saison, sûr. Et Kevin Borlée au micro d'Ebi Brozakis. Toujours à propos de ce Mémorial Van Damme, l'organisateur Wilfried Meert a annoncé une cérémonie pour faire honneur à notre relais 4x100 féminin. Olivia Borlée, Kim Gevaert, Elodie Wedraogo et Anna Marien avaient remporté la médaille d'argent aux Jeux de Pékin en 2008. Mais depuis, le relais russe médaillé d'or a été rattrapé par le dopage. Le Mémorial Van Damme va donc installer une cérémonie olympique pour faire honneur aux 4 sprinteuses et remettre la médaille d'or au relais belge. Une médaille spécialement réédité par le Comité Olympique International. En bref, encore, les cyclistes belges sont en forme. 4 victoires sur la Vuelta, Bonen qui s'impose sur la Brussels classique et un joli numéro de Julien Vermotte aujourd'hui sur la 2e étape du Tour de Grande-Bretagne. Habituellement équipier modèle, le coureur ETX Quick-Step s'est échappé avec Stephen Cummings. Vermotte a ensuite réglé le sprint à 2 dans les derniers mètres en côte. Il prend également le maillot de leader. Au Tour d'Espagne, victoire au sprint du luxembourgeois JMP Drucker dans la 16e étape. Journée plutôt tranquille pour le leader Nairo Quintana. Et puis on a appris le décès d'un grand monsieur du basket belge. Marc Foucart est décédé dimanche à 64 ans et après 5 mois de lutte contre la maladie. Marc Foucart était une figure emblématique du basket féminin. Il a longtemps coaché notre équipe nationale et reste l'entraîneur le plus titré chez nous avec 7 championnats et 8 coupes dans les clubs de Waregem, Courtrai et Namur. Merci Jérôme pour ce journal des sports. Il est 18h15. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h sur Vivacité, 5 à 7. Vivacité. Eh ben oui, c'est comme ça tous les soirs, 17h-19h. Bienvenue si vous arrivez. Je vous rappelle que dans quelques minutes, on saura qui repart avec son stage de l'espace, la classe de l'espace à l'Eurospace Center. C'est vous, plus vos copains de classe qui allez pouvoir y accéder. C'est 3 jours, 2 nuits pour vous inscrire. Il vous reste quelques minutes. Vous envoyez espace au 60-03. Je vous ai promis des invités ce soir. Ils sont arrivés. Big Flo et Oli sont avec moi dans le 5 à 7. Bonsoir, comment ça va? Alors, on va juste faire en sorte que vos micros fonctionnent. Est-ce que ça marche? On fait... Hello. Salut, hello, vous êtes hello. Bien sur le 5 à 7 ce soir. Vous êtes en direct, vous êtes tous ensemble sur le nouvel animateur de cette émission. Et vous prenez la main. Je vous laisse les conduites. Allez, c'est bon. Vic Foyoli anime ce 5 à 7 à ma place. Non, on n'est pas assez pro encore. On va avoir l'occasion de vous entendre pendant quelques semaines, quelques mois sur la RTBF, de vous voir aussi, puisque vous êtes les nouveaux coachs de The Voice. Exactement. Belgique. C'est incroyable. Justement, c'est le mot. C'est incroyable de vous voir là. Incroyable. Et on va voir pourquoi vous êtes là dans un instant. Parce c'est que il y a déjà des messages qui sont arrivés en disant ouais, mais pourquoi eux? Comment est-ce que ça se fait qu'ils débarquent dans The Voice? Ça, c'est ma mère. C'est sûr que c'est ma mère qui a envoyé ce genre que font deux jeunes. La question, c'est que font deux jeunes à capuche à The Voice? C'est ça vraiment. Bah, c'est un peu ce qui ressort quand même. On va voir pourquoi. Parce que sans devoir vous justifier, il y a quand même des raisons. Vous n'êtes pas là pour rien. C'est vrai. On va en reparler dans quelques minutes. Big Flo et Oli sont mes invités cet après-midi dans le 5 à 7. Si vous avez des questions, alors posez 3063 par SMS. Allez-y, on revient juste après ça. Bon, vous êtes prêts ?

Alors effectivement, c'est dingue de se retrouver si jeune dans The Voice, mais ce qui est dingue, c'est le parcours que vous avez. Parce que plein de gens vont se dire, et on sait que sur Internet, il y a eu beaucoup de réactions c'est à vrai, ouais. votre annonce. Ah ouais, c'est normal parce qu'il y a des gens qui voient deux jeunes comme ça arriver, ils ne savent pas forcément tout ce qu'on a pu faire. Voilà, c'est quoi le background, quelle est leur légitimité à être coach de The Voice. De jeunes à capuche. Exactement, en plus. Est-ce que vous pouvez parler de votre parcours qui est quand même hallucinant dans la musique? Ouais, c'est bizarre d'en parler, mais ouais. On écrit depuis tout petit, en fait, on est frères, donc voilà, on a grandi ensemble, on écrit depuis tout petit, on est des passionnés de textes, on écrivait des sketchs, des slams depuis vraiment tout petit. On a fait le conservatoire pendant plus de 10 ans, on a fait du solfège, on a fait de la chorale, moi je joue du piano, ouais. la batterie, Oli joue de la trompette. Voilà, quand on fait le solfège et qu'on arrive dans le rap après, c'est quoi? C'est une rébellion? C'est pour dire à papa et maman qu'on voulait faire autre chose? Non, pas du tout. En fait, bizarrement, on a toujours mélangé les deux. On a toujours été au conservatoire et fait du rap en même temps, vu qu'on rappe depuis qu'on est tout petit. Et on a toujours justement mélangé les deux. On n'avait pas honte de l'un ou de l'autre. Et du coup, voilà. Ensuite, on a sorti des morceaux sur Internet. On s'est fait connaître. On a sorti un album il y a un an et quelques maintenant, qui est disque de platine en France. On a fait une tournée cette année de plus de 100 dates. On a plus de 300 concerts, 400 concerts à notre artiste. Ça fait très bizarre de dire tout ce qu'on a fait. Ça fait vraiment le mec qui fait le beau. Ça fait le mec qui fait le beau. La bio voilà. sort quand Non, mais voilà, c'est vrai. C'est pour ça. C'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui se disent qui c'est ces deux mecs parce qu'ils connaissent pas. Mais on a un morceau d'album. Je te jure, à chaque fois, ça me fait rire de voir les commentaires et tout. Ouais. Parce qu'on a un morceau d'album qui s'appelle C'est qui ces deux-là. Et ça revenait, c'était un titre de l'album. Donc ouais, voilà. Ça correspond pas mal. Mais voilà un petit peu pour le background, quoi. Big Flo Oli, deux frères de Toulouse qui font du rap et de la musique depuis toujours. Et voilà, on va donner notre regard différent de rappeur. On est hyper excités à l'idée de faire l'émission. C'est un nouveau challenge qu'on va affronter avec plaisir. C'est complètement improbable, mais par contre, ça, c'est vrai que c'est complètement improbable pour nous, quoi. On s'attendait pas du tout à devenir jury de The Voice. Bah, c'est une expérience géniale. Et vous allez vous retrouver à deux, donc sur ce fameux fauteuil. Oui. On garde heureusement, on en a un fauteuil à deux places. Comment vous allez vous répartir? Bah oui, bah c'est pratique. Comment vous allez vous répartir les rôles? Comment est-ce que vous allez prendre des décisions? Parce que ça va pas être évident quand on est à deux. Clair, mais je pense que justement ça va donner des bons moments dans l'émission, ça, d'engueulade entre frères en direct. Et qui est le chef entre les deux? Après, le chef, je pense quand même que c'est mon grand frère. Ah, ouais. J'attendais quand même. Il faudrait une musique de... On garde l'enregistrement pour quand il y aura un clash de The Voice. Hein. Mais après, pour rassurer les gens quand même, on est souvent d'accord... On est quand même presque comme une personne. Ah ouais. On est très. Je pense qu'il y aura beaucoup de moments où on va se regarder et on saura que c'est. Le regard amoureux. Le petit regard. Il va se passer un truc. Bon, on est frères quand même, ça devient bizarre. Non, mais voilà, on va se regarder, on va se dire là c'est bon et on va buzzer tout ça, quoi. Eh ben, Big Flo et Oli sont cet après-midi dans le 5 à 7 sur Uvacité. Restez encore un petit peu. Avec plaisir. Quelques minutes, on va faire un test pour voir si vous êtes vraiment prêts. Aïe, okay. Dans The Voice. Okay. Ce sera dans quelques instants dans le 5 à 7. Il est 18h25. Soir, elle est là dans le 5 à 7 pour nous donner toutes ses astuces cuisine, tous les derniers trucs qui marchent en cuisine. C'est Candice Cotter qui est là. Bonsoir Candice. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose de faire connaissance avec le Galaxy Cake. Galaxy Cake? Galaxy Cake. C'est des trucs que les gars mangent dans la station spatiale ou rien à voir? Ça pourrait, mais ça c'est le space food. Comme quoi il y a de multiples concepts, cher ami. À la fin de la saison, je serai au point. Ça fait fureur sur la toile, c'est pour ça que je vous en parle, on est en plein dans la tendance. Au menu, ce sont des pâtisseries qui sont déclinées à l'infini au look cosmique. C'est un peu la mode, si vous regardez un peu pour le moment dans les vêtements, même les vêtements pour enfants, vous en avez avec des planètes, des trucs, c'est vraiment à fond, on est à fond cosmos. Et ben, ça se pose sur les cakes, sur les gâteaux, et pas que d'ailleurs, vous allez voir. Et on se fait vraiment un truc très, très colorant. Alimentaire. Noir, blanc, rose, violet, bleu, selon ses envies lorsqu'on fait sa pâte à cake. Alors ça assure un effet visuel incroyable au moment de la découpe parce qu'on met ça à l'intérieur du cake aussi. Et une fois qu'elle est cuite et fourrée, vous pouvez recouvrir votre pièce, quelle qu'elle soit, de pâte à sucre pour obtenir une toile de peinture comestible dans cet esprit cosmos. Vous pouvez badigeonner de colorant en extérieur, vous pouvez en mettre dans la pâte. Certains utilisent, on voit ça sur YouTube, c'est assez excellent de voir les vidéos qui sont postées de personnes qui font leur gâteau au fur et à mesure sur ce thème de Galaxy Cake. Ils utilisent une éponge de mer, donc une éponge ramollie dans de l'eau pour appliquer différentes teintes. Ils tamponnent vraiment comme ils le feraient pour une déco de mur. Ouais. Vous retrouvez vraiment avec quelque chose de magnifique. Sérieusement, c'est très très beau, c'est très inspirant. Et puis en guise de finition, généralement ils prennent un petit pinceau fin, un petit peu de papier sulfurisé, ils créent des petites étoiles, des rayons, enfin c'est absolument dingue. Les adeptes n'hésitent pas non plus à ajouter tout ce qui est éléments de décoration, petit cake pop pour faire des planètes et tout. Vous pouvez utiliser des guimauves, toutes des petites meringues miniatures, des autres macarons, tout est possible. Je vous ai mis

leur fils de 14 ans, souffre de sévères troubles du comportement qui le rendent violent. La vie en milieu familial est devenue impossible, mais malgré toutes leurs démarches, ses parents ne parviennent pas à placer leur fils dans une institution adaptée à ses besoins. Il réclame aujourd'hui de l'État fédéral son placement immédiat. Merci Franck. Prochain point sur l'actu à 19h. On jette un coup d'œil dans le ciel tout de suite, Dominique. Avec une partie nuageuse dans le ciel ce soir, sur l'ouest en tout cas, et un ciel étoilé dans l'est, et un contraste de température, 9 degrés à Elsenborn par exemple, 12 à 15 dans le centre et 17 à la mer. Demain, le temps sec s'affirme, on aura des températures un peu semblables à celles d'aujourd'hui, 19 à 24 degrés, et puis de mercredi à vendredi, on va reparler de conditions carrément estivales, avec à la fois du soleil et de la chaleur, 21 à 26 degrés mercredi jusqu'à 28 jeudi et 29 carrément vendredi. On retrouve Big Flo et Oli, les invités du 5 à 7 dans un instant, mais juste avant, détour par le centre Perex avec Pierre Collard-Bovy. Est-ce que ça coince à 18h33? Quand même, un accident à Bruxelles dans le scan d'auto-Bruxelles, donc au square Jules de Troos, qui engendre de gros embarras de circulation. Évitez les environs autant que faire se peut. Et puis toujours ce gros point noir, cet accident sur le ring de Bruxelles, en intérieur à hauteur d'Anderlecht, la bande de gauche est neutralisée. Il y a des files en direction de Grand Bigard. Vous perdez 74 minutes dans le parcours supplémentaire pour joindre au titre à Grand Bigard en circulation intérieure. En extérieur, Zaventem Grand Bigard plus 15 minutes et plus 11 minutes pour l'intérieur, Zaventem Carrefour Léonard. Toujours des problèmes également sur le 40 Aix-la-Chapelle-Bruxelles, ou plutôt Bruxelles-Aix-la-Chapelle, puisque vers Bruxelles c'est fluide, mais vers l'Allemagne vous perdez encore une cinquantaine de minutes entre Loncin et Charat. Notez ce contrôle de vitesse sur le 411 Bruxelles-Namur entre Torrembay et Aiguezé. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Viva jusqu'à 19h. 5 à 7. Et je suis pas tout seul ce soir dans ce 5 à 7, puisqu'il y a les deux nouveaux coachs de The Voice qui sont avec moi, Big Flo et Oli. On va vous entendre, on va vous voir pendant les prochains mois, hein, puisque The Voice démarrera prochainement. On vous tiendra au courant dès qu'on a la date de début, on le dira. On l'attend. Vous aussi, vous ne savez pas non plus? On ne sait pas, on ne sait rien du tout. Bon, checkez votre téléphone, qu'à un moment on ne vous appelle pas en disant, dites, on vous attend sur le plateau. Est-ce que vous avez des consignes de la production par rapport aux artistes que vous devez... que vous devez sélectionner dans The Voice, les talents que vous allez choisir dans votre équipe? Est-ce qu'on est, pour le dire clairement, à la recherche d'un nouveau Slimane? Est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'on vous ait appelé ou pas? Aucune consigne. Rien du tout. Aucune consigne. On a eu justement un briefing ce matin. Ouais, c'est vrai. On est ici. Ils nous ont expliqué comment tout allait se passer. Ils nous ont dit, comme c'est notre première. Technique. Des trucs plus techniques. Mais pas sinon... technique, c'est on appuie sur le buzzer, le fauteuil se retourne. C'est plus compliqué. Ça a pris du temps ou pas pour vous l'expliquer? Justement, on a fait des. On est rappeurs, nous, c'était très, très long. Ça a pris 2 heures pour nous expliquer le bouton où il fallait appuyer. Non, pas du tout. Non, mais vraiment, il n'y a pas du tout de truc comme ça artistiquement. Ils nous ont rien dit. Ils ont juste dit d'essayer de. Le seul truc si, qu'ils nous ont dit, c'est d'essayer de faire des équipes assez. Éclectique, où il y a des chanteurs d'accord. un peu différents qu'on ne prenne pas que des chanteurs. Mais c'est vrai que de plus en plus ce genre d'émission évolue. Il y a de plus en plus d'urbains. Il y a notre pote MB14 qui était finaliste de The Voice en France, qui avait mis des touches de beatbox, tout ça. Il y a Slimane qui se rapproche un peu de notre style. Il y a quelques années, c'était intense comme ça. Ouais, c'est vrai, mais justement, ça évolue. Déjà, que Big Flo et Oli, enfin deux rappeurs, soient jury de The Voice, c'était impensable aussi, hein, je pense. Bah, déjà, il y a quelques années, candidat, on aurait dit c'est bizarre. Mais c'est vrai. Mais ça évolue. Il y a Joey Star qui fait une émission aussi en France. Il y avait eu La Fouine aussi qui avait fait une émission. Tant mieux, on est hyper contents. C'est de la musique, donc le feeling va marcher. Ça va remplir des salles de concert et vendre des albums. Et on va voir. J'espère. Tu viendras nous voir. Avec plaisir. Mais est-ce qu'il y a de ça aussi dans les démarches ou pas du tout? Vous faites juste pour l'expérience de The Voice? En Belgique, on n'a pas forcément besoin de ça parce qu'on remplit déjà pas mal les salles et tout. Ouais. Mais c'est vraiment, ça paraît démago, mais c'est vraiment pour le kiff qu'on le fait, quoi. Bah, c'est génial. On aime bien les nouveaux défis comme ça. J'aime bien les trucs, improbables. On aime bien être là où personne nous attend. Et là, pour le coup, personne nous attendait, quoi. Ah, si vous aimez les défis, ça tombe bien, on va se mettre dans l'ambiance de The Voice. Aïe. Alors, On vous l'a expliqué ce matin en briefing, The Voice, faut se retourner quand ça vous plaît. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, on va le faire vraiment. Vous retournez. D'accord. Je vous passe des morceaux. Alors là, on le fait vraiment, hein, pour ceux qui... Voilà, c'est à suivre sur le live sur rtbf.be/ovio. Vous pouvez suivre tout ça en direct. Donc, Big Flo et Oli sont retournés. Je vous passe des extraits de musique. Vous me dites si vous vous retournez ou pas. Vous me dites si vous prenez le talent dans votre équipe ou pas. On y va, premier extrait. Ah oui. Alors, là, il y a du grand génie. Vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique. Pourquoi ? Parce que c'est nous. Non, c'est bâtard de faire ça là, du coup. Est-ce que je me serais tourné si c'était pas moi ? Je sais pas. Est-ce qu'on se serait retourné sur Big Flo Oli ? Je sais pas. C'est une vraie question. Là, c'est une question carrément philosophique. C'est au-delà de la musique. Là, c'est carrément une remise en question totale. Eh bien, on se retrouve ce soir chez le psy pour en parler. On s'allongera. Attention, vous retournez. On est reparti. Deuxième extrait. Sont-ils prêts pour The Voice ? Oh, le retournement est mitigé là. Oh, ouais, c'est pas forcément notre style de prédilection, mais on a déjà croisé plusieurs fois. Et c'est un mec qui est génial. D'ailleurs, Kenji nous a battu 4-0 à FIFA. Voilà. Ouais, voilà. C'est vrai qu'on a rencontré une fois en festival, il est super sympa. Et notre père est chanteur de. Il chante à la guitare, alors ça lui arrive souvent de jouer de ce genre de musique là, à la guitare comme ça. Et notre père est latino, donc il y a quand même. Moi en tout cas, quand même des points communs. Même je me serais tourné parce que. Pour ce qu'il représente aussi, ce style-là de musique, ça m'a fait du bien aussi, des voix comme ça, un peu hispaniques, ouais, d'avoir voix comme ouais, ça, ouais. D'avoir autre chose. Après, son album, ses hits, c'est pas forcément ce que j'ai dans l'iPod. Oh, c'est pas du tout ce qu'on écoute, mais... Mais c'est ça qui est bon à savoir, c'est que vous pouvez retourner sur quelque chose qui n'est pas votre style. Ah oui, exactement. Tout à fait, ouais. Je pense que les gens vont être surpris. Hein. Nous, on n'est pas là pour chercher un rappeur, en fait. On n'est pas là pour ça. Des rappeurs, on en voit tous les jours. Ça ne nous intéresse pas. Si on fait The Voice, c'est justement pour... Pour trouver d'autres talents. Pour trouver d'autres choses. Mais après, si un rappeur, bon... Pourquoi pas, mais il faudra qu'il soit bon. Sortez les guitares, les amis. Alors, on se retourne. On est reparti pour un nouvel extrait. J'ai l'impression d'être en EPS, tu sais. Retournez-vous, les gars. On est reparti pour un nouvel extrait. Vont-ils buzzer ou pas ? Je sais pas qui c'est du coup. Ça doit être une des anciennes ou un truc comme ça, non? C'est une participante de The Voice qui a fait une reprise de cette chanson. Alors, ça concerne The Voice, mais c'est pas une. C'est pas Sia là qui chante. Non, c'est un gars en fait. C'est un gars, c'est Loïc Notet qui avait aussi qui avait gagné The Voice, qui a représenté la Belgique à l'Eurovision et qui a fait Danse avec les Stars aussi. Ah, okay, et donc vous êtes pas retourné tout de suite. Mais en fait, je croyais que c'était Sia, moi. On a hésité. Enfin, moi, j'ai hésité en me disant, mais attends, c'est... j'ai l'impression que c'était une femme. Mais tu vois, en vrai, dans l'émission, sur une voix comme ça, je me serais retourné, je pense. Le rattrapage après quoi. Non, c'est vrai, non. Mais, maintenant que j'y pense. C'est juste que j'avais pas en fait, reconnu, on savait pas qui c'était, donc on s'est dit, attends, on va d'abord trouver qui c'est, comme ça, on passe pas pour des cons quand on se retourne. Loïc Notet, j'en ai entendu parler. Il y a un pote à moi qui adore The Voice et tout ça, et il m'en avait parlé déjà là. Il est exceptionnel. C'est incroyable. Il y a un album qui est en préparation qu'on attend depuis plus d'un an. On espère qu'il va bientôt arriver. On ne connaît pas tant que ça, malheureusement. Bon, alors en France, il y a eu Danse avec les Stars, mais on le connaît moins pour sa musique là-bas. Alors, Big Flo et Oli, dernier artiste, vous retournez ou pas? C'est la question que je vous pose. Je me sens bien celui-là. On va voir. Moi, je me retourne. C'est une belle voix, mais alors c'est qui? Je sais pas du tout. C'est une meuf connue d'ici, non? Ah bah ouais, vous allez la côtoyer en plus. Oh, dis pas que c'est BG, ok. Exactement. Et vous êtes retourné rien que sur la voix, donc c'est bien. C'est pas parce que c'est une future ou une nouvelle copine. Attends, vas-y, laisse un peu, laisse-moi. On laisse, allez. Putain, elle a une forme. Là, il n'y a que le piano, c'est un peu embêtant, mais... Le moment où on laisse, c'est là où il n'y a que le piano. Mais on entend quand même qu'il y a une voix. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est... On peut peut-être le remettre à zéro. Non, mais c'est vrai qu'on ne connaissait pas... Elle envoie. Ah, c'est pas mal, hein. C'est incroyable, hein. Si vous mettez à chanter, ça donne quoi ? What a hard call the time. Il y a quelque chose aussi. Non, mais je pense qu'on ferait une petite démonstration un jour, un petit morceau à nous ou quoi dans l'émission, pour bien ceux sûr. Qui ne connaissent pas. Eh ben, fait. Après, bon, c'est vrai qu'on n'est pas des grands chanteurs, hein. On n'a pas des grandes voix comme ça, mais on a beaucoup de conseils artistiques aussi à donner, ne serait-ce que sur le live, tout ça. Il y a beaucoup de gens, j'ai vu pas mal de gens qui ont reproché le fait, mais c'est des gens qui ne savent pas chanter, qu'est-ce qu'ils viennent faire là ? Mais il y a plein de gens, par exemple, qui sont des professionnels du foot, qui donnent leurs avis sur les matchs de foot et qui ne savent pas taper dans un ballon. Exactement, il ne faut pas être bon joueur pour être bon entraîneur. Exactement. Et si en plus vous êtes les deux, parce que quand même, on va le dire, niveau musique, vous cartonnez quand même, les gars. Donc, ouais, ça se passe bien. Donc du coup, voilà, on a plein de conseils. Je pense que là où on va donner le plus de conseils, surtout sur le live, sur comment gérer sa posture, les positions, comment envoyer en live. Je pense aussi qu'il y a un rapprochement à faire au niveau du souffle, au niveau du rythme. Ouais. Tu vois, on est rappeur, donc on a un bon sens du rythme, sur le débit, tout ça. L'articulation. Franchement, rien que d'en parler me tarde trop, quoi. Ça va être quelque chose. Ouais, on a hâte aussi de vous voir à la télé, de vous suivre aussi, puisque sur Viacité, vous savez qu'on écoute et on suit tout ce qui se passe dans The Voice. Donc on se dit à très très bientôt. Merci beaucoup d'être passé ici. Yes. Si vous n'avez rien à faire, continuez l'émission, puisque tout à l'heure, on se disait en antenne que vous aimez bien la radio. Je voudrais finir par une belle phrase. Si j'avais entendu ta voix, je me serais retourné. Voilà, merci. Oh, ça c'est joli. Ça, c'est beau. Là-dessus, voici l'histoire de Void, c'est Pop Story avec Marc Toesca. 17h-19h, 5 à 7. Pop Story. Pop Story. Marc Toesca. Ludwig van Beethoven est un musicien allemand né à Bonn en 1770 et mort le 26 mars 1827 à Vienne. Compositeur de génie à qui l'on doit, entre autres, l'hymne à la joie et le fameux « pom pom pom pom », sans oublier cette image d'artiste au regard tourmenté et à la chevelure en bataille. Quelques siècles plus tard, l'histoire de la pop regorge de tubes librement ou pas inspirés de l'œuvre de ce cher Ludwig von. A commencer par le pernicieux « Tout l'amour que j'ai pour toi » du toujours jovial Dario Moreno et qui est un copier-coller de la lettre à Élise. N'auriez-vous pas une valse comme le beau Danube bleu? Je peux chanter le petit vin blanc, c'est gai. Non, ne soyez pas vexée, Madame Bourdelle, je voulais seulement dire quelque chose d'entraînant. Tout l'amour que j'ai pour toi est plus fort chaque jour. Je crois bien qu'il durera pour la vie, pour toujours. Et que dire de Midnight Blue de Louis Tucker, tube planétaire sorti en 82, sinon que c'est du Beethoven pur jus. Cette chanson, classée numéro 1 dans le monde, est considérée comme un des plus grands slow par les spécialistes de la drague, et tout simplement calquée sur le deuxième mouvement de la sonate pour piano opus 13. Johnny lui-même a flirtouillé avec l'œuvre de notre ami Ludwig. Bon, c'est pas du genre complètement inoubliable, mais ça vaut le détour quand même. Nous sommes en 1970, la tendance est au rock progressif, à la démesure, au psychédélique, et contrairement à l'idole, le titre nous laisse sans voix. Poème sur la septième. Quand Johnny déclame du Philippe Labro sur du Beethoven, psychédélique, je vous dis. Vous m'affirmez qu'il y avait du sable et de l'herbe et des fleurs et de l'eau, et des pierres, et des arbres, et des oiseaux. Alors, ne vous moquez pas de moi. Et les Beatles dans tout ça? Subjugué par les talents de Yoko Ono, John Lennon écoute sa muse jouer la sonate au clair de lune de Beethoven. Et lui vient alors l'idée d'inverser les notes de cette pièce maîtresse qui n'a pas fini de torturer les doigts de nos apprentis pianistes. Suffit d'y coller un texte du genre « Parce que la terre est ronde, parce que le ciel est bleu et parce que le vent est violent » et voilà « Because » que l'on retrouve sur le mythique album Abbey Road. Il aura aura suffi à John Lennon d'inverser les notes de la sonate au clair de lune de Beethoven pour faire ce tube, Because, en 1969. Pop Story. L'histoire des hits. Avant 19h dans le 5 à 7 sur UACT, on va savoir qui va repartir avec la classe de l'espace. Ça veut dire que c'est 3 jours de nuit pour toute une classe à l'Aerospace Center. Pour tout savoir sur ce qu'il y a à voir, à faire dans l'espace, vivre la vie d'un astronaute. Si vous voulez vous inscrire, il vous reste quelques instants pour le faire. Vous envoyez espace au 6003 pour 75 centimes. Le message, dans un instant, on parle d'un défi complètement fou. Traverser la Manche en kayak et le tout en comptant sur le soutien des internautes. On en reparle dans quelques minutes et puis les enfants de cœur arrivent. Tout ça, c'est le programme du 5 à 7 avant 19h. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Ton pays est détruit. Tu fuis. Chaque nuit, les images de la guerre te reviennent. C'est un cauchemar. Plus de 400 000 enfants syriens ont trouvé refuge au Liban. Grâce à la traumathérapie, une nouvelle vie peut commencer dès la rentrée. Avec vous et Caritas, ils dessinent leur avenir. Faites un don sur caritasinternational.be. Vivacité La Une présente, ces 10 et 11 septembre, les 28e journées du patrimoine. Vivez un voyage à travers les religions et les philosophies. Une expérience gratuite, ludique et didactique à vivre dans toute la Wallonie. Info, journeedupatrimoine.be ou téléchargez notre application. Une initiative de l'Institut du patrimoine wallon. Avis de recherche. Nous signalons la disparition du dénommé Michel Janssens. Cheveux bruns, la quarantaine, il a été vu pour la dernière fois à bord du nouveau Hyundai Tucson en train de faire un test drive. Michel, si tu nous écoutes, tu nous ramènes le Tucson, s'il te plaît ? Merci. Le nouveau Hyundai Tucson, ça va être dur de nous le rendre après l'avoir testé. Découvrez cet SUV impressionnant ainsi que toute la gamme chez votre distributeur Hyundai lors des journées portes ouvertes du 9 au 17 septembre inclus. Hyundai, new thinking, new possibilities. Salut, c'est Marion. Salut, c'est Julien. C'est Stéphane. Et vous êtes bruxellois sans doute ? Ou non, peut-être. En tout cas, on a rendez-vous. Un grand rendez-vous. Non, un gros rendez-vous. Ah oui, un rendez-vous. BXXL. Le lundi soir, BXXL, c'est tout moi, c'est tout toi. C'est tout Bruxelles. De 20h à 21h sur Viva Bruxelles. Vous avez été pris dans le grand rush de la rentrée ? Qu'importe, retrouvez vos contenus radio et télé sur votre plateforme digitale Ovio. Où, quand et comme vous le voulez. Sur tablette, smartphone ou ordi. rtbf.be/Ovio. A-U-V-I-O. Libérez vos envies. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Avec Benjamin Maréchal. Jusqu'à 19h. Tous les soirs dans le 5 à 7, c'est le meilleur moment des enfants de cœur qui y arrive. Ce sera dans un instant, mais avant on va parler. De sport, et de sport en kayak. On va traverser la Manche en kayak. Enfin, surtout, on va parler de ceux qui vont le faire, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Bernard de Burlin, vous êtes organisateur d'un défi complètement fou dont on va parler ce soir. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7. Alors, avec des amis, vous êtes lancé le défi de traverser la Manche en kayak. Et alors de compter en plus sur le soutien des internautes. Pourquoi, comment, racontez-nous tout Bernard. Alors au début, c'est parti suite à une discussion avec quelques amis. On cherchait un challenge un peu original. Ouais. Et donc on a trouvé ce challenge-là. Il n'y en a aucun du groupe qui a déjà fait du kayak. Donc il va falloir s'y mettre quand même. On s'y est un peu mis puisque c'est prévu pour la semaine prochaine. Ouais. Et donc ça fait 4 mois d'entraînement avec un coach spécialisé en événements sportifs de la société Coresco, avec un spécialiste du kayak. Et donc on s'est regroupé pour ces 8 entrepreneurs, chacun de profils et d'horizons différents. Tous qui ont un petit grain pour se lancer dans ce genre de truc. Ah bah oui, quand on n'a jamais fait de kayak, se dire on va traverser la Manche en kayak, faut avoir un petit grain, un bon même. Hein. Voilà, exactement. Donc c'est ça qui est rigolo. Donc ça nous a fait beaucoup rire au début, puis après on a commencé à s'entraîner, on s'est rendu compte que c'était assez dur. Ouais. Et puis on a persévéré et maintenant on pense qu'on a fait 50 km le week-end dernier, donc on pense normalement physiquement on est prêt. Maintenant voilà, la mer, il y a des aléas, il y a il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes, parce que ça dépend évidemment du temps, ça dépend de la marée, ça dépend de plein de facteurs. Et puis il y a des bateaux beaucoup plus gros que des kayaks dans la Manche aussi. Ah bah effectivement. Donc tout ça rend le challenge assez excitant. Et puis comme on avait organisé l'ensemble du challenge, on avait trouvé quelques sponsors qui nous soutenaient. Ouais. Principalement des gens qui aiment bien soutenir des PME. On s'est dit bon, ben ça c'est clôturé, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? On est tous des entrepreneurs, donc il y a un peu l'image de l'entrepreneur et de l'indépendant qui est un peu égoïste, qui pense d'abord à lui, ce qui est faux, hein, mais bon, peu importe, l'image est là. C'est ce qu'on imagine, ouais. Ouais, donc on s'est dit, essayons de faire quelque chose pour avec un rôle à notre taille, un rôle un peu sociétal, avec un message positif, pour montrer, voilà, il y a effectivement des choses terribles qui se passent un peu partout, mais il y a aussi des choses très positives. Donc on a essayé de soutenir deux œuvres, principalement la première, c'est ce jeune Hollandais dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui a créé un système de recyclage de plastique dans les océans. Oui, c'est très important, très utile, ouais. C'est un type d'un type qui est assez brillant, qui a 17 ans et qui a créé un truc un peu fou. Donc on a essayé de soutenir cette organisation-là. Et pour des gens qui nous disent « Oui, mais bon, c'est un truc technologique, c'est un peu compliqué, etc. » On soutient une autre association qui est les Guélurons. Et donc on fait tout ça par un système de crowdfunding online. Donc en fait, on rassemble des fonds non pas pour faire l'événement, parce que ça, il est fait, il est soutenu par nous et par quelques sponsors, mais on rassemble des fonds pour soutenir les deux associations dont j'ai parlé juste avant. Ah bah ça vaut le coup. Comment on fait pour vous aider à quelques jours du départ? Alors, il faut, le plus simple, c'est d'aller sur la page Facebook Over or Top. Over or Top, ouais. Voilà, vous tapez Over or Top dans Facebook, vous tomberez tout de suite sur la page. Là, vous avez toutes les infos, parce que vous pourrez nous suivre l'évolution en temps réel. Il y aura un petit système de track and trace qui vous permettra de voir exactement en temps réel où on est. Oui. Vous pourrez voir les sponsors. Voilà, c'est toujours, il y a quand même des gens qui nous soutiennent, donc ils sont là pour ça, effectivement. Il faut les saluer. Et surtout, vous aurez un lien vers le site qui s'appelle Ulule, qui est un site de crowdfunding qui vous permettra de faire un don pour les associations. Donc les deux associations dont j'ai parlé, voilà, nous on verse évidemment l'ensemble, tout ça va directement aux associations et c'est une manière de faire parler. Comme on traverse la Manche, qui est une mer qui est très très fréquentée, qui n'est pas spécialement la plus propre, associer son image au fait d'avoir des océans un peu plus propres, on trouvait que c'était c'est une belle idée. Et c'est sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF qu'on va mettre toutes les infos, comme ça on peut tout retrouver et pouvoir vous soutenir. Merci Bernard d'être passé ce soir dans l'émission et que tout se passe bien pour ce défi, on espère, avec plein de gens qui vous suivront. Bonne soirée Bernard, merci à beaucoup. Bientôt. Une petite remarque, allez-y. On veut essayer de refaire chaque année un challenge de plus en plus fou, et donc pour les gens qui veulent participer les années suivantes, on mettra les infos sur la page Facebook, et donc si vous êtes intéressé, ce sera peut-être pas du kayak, ce sera autre chose, hein, vous êtes toujours le bienvenu. Eh ben on partage tout ça avec plaisir, merci Bernard, bonne soirée. Il est l'heure d'en trouver tout de suite les enfants de cœur sur Viva. Les enfants de cœur. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce JT Gentil, le journal des bonnes nouvelles. Et on démarre avec le Burkini, une fois de plus, qui fait parler de lui, hein, évidemment. Le Burkini qui fête son indépendance. C'est donc l'effervescence totale dans la capitale, Ouagadougou. Science, à présent. Même le jingle est consterné. Essaye de ne pas me niquer mon journal. Science, à présent, une étude prouve que les personnes ayant le QI le plus élevé sont en général les plus paresseux. Je n'ai bien sûr pas pris la peine de lire l'étude en entier. Fait divers, le petit Kevin est bien rentré du catéchisme à son domicile, sans problème. Économie, le Belge serait économe, ce qui lui permettrait d'avoir une pension confortable. J'ai donc décidé de faire mes calculs. Si je prends ma retraite à 62 ans, je pourrais vivre confortablement pendant 11 minutes. Et puis ce sondage qui nous est parvenu, 85% des femmes préféreraient la pilule au préservatif sous prétexte que le préservatif reste plus difficile à avaler. Attention, je rappelle tout de même qu'il est plus que jamais important de continuer à se protéger, surtout lorsqu'on connaît les ravages que peuvent occasionner une pension alimentaire. Et puis cet officiel, Thierry Henry, est le nouveau T3 des Diables Rouges. Il passe donc d'un salaire de 6 millions d'euros par mois à 6 000 euros par mois. Il va donc aller au CPAS demander un petit peu d'aide. C'est la fin de ce JT. On termine avec le dicton du jour. Mieux vaut être belle et rebelle que moche et remoche. Merci. C'est la fin. Merci. Les enfants de cœur reviendront demain dans le 5 à 7 sur Vivacité. Avant de retrouver le tip-top avec Philippe Jauniaux, je vais accueillir Sabrina qui est là au téléphone. Bonsoir Sabrina. Oui, allô, bonsoir. Bienvenue Sabrina. Votre fils Julien s'est inscrit parce que vous voulez partir avec des élèves, avec, voilà, avec du monde, à l'Eurospace Center pour la classe de l'espace. Eh bien, c'est gagné Sabrina. Super, merci. 3 jours de nuit à l'Eurospace Center pour tout savoir sur l'espace. Vous faites des photos, des vidéos, vous nous envoyez tout après, d'accord Sabrina? Oui, il n'y a pas de souci, avec l'école on fera ça. Eh ben avec plaisir, c'est quelle école? L'école communale de Housse. Eh ben voilà, on embrasse toute l'équipe de l'école et tous les élèves. À bientôt, bonne soirée Sabrina. Merci beaucoup, merci Cyril, au revoir. La soirée continue en musique grâce à Philippe Jauniaux. Bonsoir Philippe. Bonsoir Cyril, je veux aussi partir dans l'espace. Ah bah si vous voulez, allez avec Sabrina. Ben voilà, pourquoi pas, je pars dans le tip-top là juste après les infos, ça c'est sûr. Et on démarre avec Puggy et Soul, 7e dans le classement. À demain. À demain. Je vois dans ta vie du succès, de l'argent ou une maison avec piscine. Mouais, je crois que je vais plutôt confier mon avenir à l'EFP. Tu plonges dans la vraie vie tout en apprenant un vrai métier. Inscription dans plus de 70 formations jusqu'à fin octobre. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. EFP, formateur de talent. EFP-BXL.be. Vivacité présente le meilleur de l'Extraordinary Film Festival. Les 16 et 17 septembre à Uccle. Renseignements teff.be avec Cap 48 et Vivre ici. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Oui, bonjour, je suis bien aux urgences? Oui, je vous écoute. Alors, j'aimerais qu'on m'emmène d'urgence dans un Proximus Center et j'ai vu un Huawei P9 Lite pour 9 euros. Vous êtes aux urgences ici, madame? Mais justement, c'est une urgence. Foncez dans votre Proximus Center et recevez un Huawei P9 Lite pour seulement 9 euros. Avec un abonnement Smart plus Phone 20. Infos et conditions dans votre Proximus Center. Proximus, infiniment proche. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les comptes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vaza, ouvre-toi. Instagram, ouvre-toi. Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Et si les décisions en matière de crédit se prenaient en tenant compte des spécificités locales? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. La DH présente en exclusivité la Maison de Mickey. Une collection de livres richement illustrés pour découvrir les chiffres, les lettres et de nombreuses activités pour apprendre en s'amusant. Avec à chaque numéro un DVD de 2 épisodes. Grâce à la DH, apprendre devient un jeu d'enfant avec Mickey et ses amis. Le numéro 1, 1,99€ seulement, en vente en librairie. Et 19h. Franck Ruel, bonsoir. Chez Caterpillar, près d'un millier de travailleurs ont assisté ce matin aux assemblées générales. Des travailleurs invités à pointer chaque jour afin d'éviter tout licenciement. Les syndicats ont ensuite été reçus cet après-midi à Namur par le gouvernement wallon. Prochaine étape demain à la Chambre. Les députés entendront les représentants des travailleurs et ensuite les ministres fédéraux répondront aux questions. Une mobilisation à tous les étages donc, mais un regret, l'absence de tout interlocuteur du côté de la direction de Caterpillar. Écoutez à ce propos Paul Magnette. C'est très compliqué parce que la direction américaine a laissé la direction belge un peu à l'abandon, manifestement, que même aujourd'hui, heureusement, ce sont les travailleurs eux-mêmes qui ont pris la responsabilité de faire tourner l'usine, mais si on ne leur donne pas les pièces, si on ne met pas en place les logiciels informatiques, ils ne pourront pas travailler. Donc les organisations syndicales ont été d'une responsabilité exemplaire en